6h27 sur Fun Radio. Bonjour tout le monde et bon réveil. C'était Sarah à l'instant avec Shaggy et Champagne. Voilà, le warm-up est terminé. Il reviendra demain, bien sûr, entre 6h et 6h30. Et puis c'est parti pour le direct jusqu'à 9h30 avec Julie qui est là en pleine forme, qui s'étend déjà et fatiguée. Mais oui, non, pas du tout. Qui sort du lit là. Mais non, moi je suis en méga forme. Ah bon? Bah ouais. Attends, tu non, m'as vu arriver ce matin, j'étais hyper. Mais c'est déjà, elle m'a agressé ce matin, elle arrive. Bonjour! Tout de suite. Non, mais Mickaël préfère quand on tire la gueule, quoi. Non, c'est pas ça, mais disons que. Il faut le temps que tu te réveilles, toi. Voilà, okay, c'est d'accord. Ça. Vers 8h30, je m'étends et à 9h30, je suis réveillé. Excuse-moi d'être déjà réveillé. Et attends, tu l'as pas vu arriver dans le bureau, hein. Elle a pris son sac, elle l'a jeté contre le mur, elle a balancé ses clés. Ah ouais, ouais. Ben rock'n'roll, hein. Je suis ici pour réveiller tout le monde. Rock'n'roll, ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, pas mal de choses qui vont se passer en ce jeudi 18 août. Déjà tout à l'heure, on aura évidemment la ligne anti-relou, hein, que vous connaissez toutes et tous maintenant, tous les messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde. Et malheureusement, on ne peut pas passer tout le monde, mais on fera un effort. Un jour, on fera une émission spéciale où on passera que les lignes anti-relou. Oui, parce qu'on en aura assez, à mon avis. Il y a de quoi faire. Ah oui, il y a de quoi faire. Il y aura évidemment l'infotrafic, on en parlera tout à l'heure. Si vous êtes témoin de quelque chose qui ne va pas sur la route, d'ailleurs, venez nous le dire. La ligne anti-relou, je l'ai dit, la question qui colle, qui aura lieu également tout à l'heure, bien entendu. Et puis, on paiera vos factures, évidemment. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, c'est possible. 63-22, débutez le message par facture, avec votre numéro de téléphone et le montant de la facture, ainsi que l'objet de la facture. Et puis, pour démarrer, nous avons Momo qui est avec nous maintenant pour la blague du jour. Salut Momo, comment ça va? Ça va toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien Momo. Dis donc, t'as une voix jeune, toi t'as quel âge, t'appelles d'où? 13 ans, j'appelle de Bruxelles. De Bruxelles, d'accord, ok, très bien. Bon, je t'ai déjà vu de toute façon. De quoi? Je t'ai déjà vu. Tu m'as déjà vu? Ah oui, mais c'est toi qui étais venu qui voulait casser la gueule à l'abbé? Ouais. Le mec il a 13 ans, il est pas plus haut que 3 pommes. T'inquiète pas, je vais te péter la gueule. Il est venu à la radio avec des fautes, il voulait taper l'abbé. Et bon, c'était taper pas parce que l'abbé s'était foutu de lui le jour avant à la radio dans la libre antenne. Donc, oh là là, Momo était un petit excité. Non, je sais, mais c'était une vanne, mais t'étais venu là-bas pour ça. Et puis après, t'es venu en bon esprit, donc c'était bien. Bon, Momo, alors attention. Déjà, qu'est-ce que tu fais de beau à 6h30, Momo, alors que c'est les vacances? Bah rien, mais c'est bien aussi. Mais c'est bien. Tu vois, lui il supporte. Ah ouais, mais j'écoute que pour toi, Julie, je te kiffe. Oui, c'est ça. Bon, alors, Momo, la blague du jour, attention, t'es le premier à passer, faut qu'elle soit bonne. On t'écoute. Putain, moi je savais pas que j'allais faire ça. Dis donc, Toff, tu m'as dit qu'il était là pour une blague, la blague du jour. Attends, le post sur Facebook c'était qui veut faire la blague du jour? Momo a fait moi. Donc. Momo. Ah, mais c'était peut-être ça la blague du jour. Ah bah oui. Ah bah on s'est bien barré Momo. Bon, donc pas de blague alors Momo, je suis très déçu là, tant pis hein. Attends. Vas-y. Si vous avez une blague, 30-44 hein, pour tout à l'heure, on sait jamais. Pour sauver Momo. 3, 2, 1, une blague. Il y a tout le temps. Ouais. Il rentre de l'école. Ouais. Il y a sa grand-mère, elle lui dit va m'acheter de la confiture. Ouais. Et il y va. Il passe chez son copain. Ouais. Mondoin. Il s'appelle Mondoin. Ouais. Après, et la ville, elle s'appelle Mon Cul. Ouais, c'est bon, on a compris. Il rentre chez lui. Ouais. Et sans rien. Après, elle lui dit, elle est où la confiture? Elle lui dit, j'ai pas trouvé, j'ai fait tout le tour de mon cul avec mon doigt. Voilà. Merci. Maman. C'est ça l'improvisation, hein. Vous pouvez pas savoir. Est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 6h30, on fait un tour du côté des infos maintenant avec Julie. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Des virements par PC Banking ont été piratés. Un logiciel malveillant sévit depuis quelques jours sur les PC Banking liés aux grandes banques belges. Plusieurs clients auraient vu leur compte vidé à 90%. L'intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC Banking concernerait les 4 grandes banques belges. Mais seule ING a confirmé qu'elle était au courant du problème. Les clients auraient vu s'afficher une fenêtre pop-up inhabituelle leur demandant de confirmer un virement et auraient vu après leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. Je vais sur mon compte maintenant. Oui, je vais peut-être vérifier. J'irai juste après. Le formateur Elio Di Rupo accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV lundi, Bouterbeck, mais il a avancé le rendez-vous à vendredi, donc demain matin. Une séance plénière est également prévue pour demain, ce qui veut dire que les huit partis prêts à négocier se retrouveront autour de la table. Cette réunion se poursuivra samedi après-midi. Elio Di Rupo a déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. Belgacom risque une lourde amende. C'est en tout cas l'avis de Maître Lebrun, un avocat spécialisé dans la concurrence. Pour rappel, un ex-cadre de Belgacom accuse l'entreprise de télécom d'avoir durant plusieurs années rétrocédé quelques 1,5 million par an, donc d'euros, à d'importants clients professionnels pour éviter qu'ils ne partent à la concurrence. Par contre, allez, bonne nouvelle, le fisc rembourse plus rapidement. Si tout se déroule normalement, 1 million de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années. Les personnes qui ont rempli leur déclaration d'impôt via TaxonWeb ont plus de chances de recevoir leur avertissement extrait de rôle plus rapidement, étant donné que ces déclarations sont prioritaires. Et c'est justement grâce à ce système de TaxonWeb que le fisc a pris de l'avance. Dans le studio, on casse beaucoup de choses. Les déclarations pré-remplies font également en sorte que les procédures sont accélérées. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, les légumes d'été se vendent à petit prix. Les prix ont chuté de 30% par rapport à l'an dernier. Selon les producteurs, si les salades, concombres et tomates se vendent à prix réduit, c'est à cause de la météo et de la crise de la bactérie E. coli. Le pape arrive aujourd'hui à Madrid pour les journées mondiales de la jeunesse. Hier, des incidents ont éclaté entre laïcs et jeunes catholiques. Les laïcs reprochent à cet événement de coûter trop cher. Bilan, 6 arrestations et 2 policiers légèrement blessés. Et puis enfin en sport, en barrage aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. Et à 6h34, on fait un tour au niveau de la météo maintenant. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais tout ça sous un ciel couvert et un risque de pluie. Température de 22 à 28 degrés. Demain, timide retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. L'info en plus, elle arrive dans 2 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Alors, l'info en plus du jour. Alors, ceux qui ont un animal de compagnie, ça vous est déjà arrivé plus ou moins à tous. Mais je suis un peu perturbée parce qu'apparemment, on renverse beaucoup de choses dans le studio. C'est totalement faux. Et je vois Toff, mais ce qui me perturbe surtout, c'est que je vois Toff nettoyer. Et donc, forcément, ça me fait quelque chose. Mais voilà, maintenant, c'est tout propre. Voilà, maintenant, c'est tout ça propre. Ça t'excite. Hein. Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pensais pas que tu étais capable de ça et ça me perturbe. Comme quoi, tout arrive. Mais bon, tout ça pour en revenir à l'info du jour, c'est donc pour les gens qui ont un animal de compagnie. Et bien maintenant il existe un GPS pour le retrouver si cet animal disparaît. Le GPS s'appelle le Pet Tracker et ce système est donc le dernier né des médaillons pour chiens. Donc ce nouveau système high-tech utilise des données GPS afin de permettre au maître de toujours connaître la position de leur animal et d'être alerté si celui-ci s'éloigne un peu trop. Franchement, moi qui ai un chien qui l'ai déjà perdu quelques fois, ça me ferait plaisir d'avoir ce genre de système. Ou alors tu prends le truc, mais alors tu le mets sur le chat ou le chien, comme ça quand tu l'abandonnes, au moins t'es sûr qu'il reste loin. Vérifie qu'il se rapproche pas, quoi, tu vois. On n'a pas tout à fait la même vision de choses. C'est bon, comme ça, je suis tranquille, il se rapprochera plus. C'est pratique, comme ça. L'info du jour. Mais je t'en prie. L'info du jour revient tout à l'heure. Il y a un message qui est arrivé au 3044 qui dit: Mickaël, ton verre de pain, ton compte est quand même toujours à zéro. Oui, c'est pas faux non plus, effectivement. C'est pour ça que moi, j'ai pas vérifié. Bah oui, oui. Je connais le solde. C'est vrai. Allez, 6h36, Chalapol avec Alexis Jordan maintenant. C'est Got to Love You sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Got to love ya, got to love ya, yeah. Le son de Shana Paul à l'instant sur Fun Radio avec Got to Love You. Il est 6h39. Bonjour tout le monde, puis bon réveil. On salue également tous ceux qui sont connectés ce matin. Il y a du monde hein, pour une heure aussi matinale sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Mehdi qui est connecté, il y a Mirko également qui est sur le groupe Facebook. Il y a le maréchal hein, qui est là tous les soirs dans la libre antenne avec Vince, Nabil et l'abbé qui est connecté également. Ça se demandait ce qu'il fait là à cette heure-ci. Bon, enfin bon. Non, mais en fait, maintenant moi j'ai compris. C'est parce qu'en fait, il est pas vraiment là le soir dans l'alimentaire. Ah, mais il n'est pas vraiment là le matin non plus, donc au final c'est bien. Ouais. Bon bref, et Najib aussi qui est connecté, donc facebook.com/MIKAELOfficiel. Voilà. Bon, on va parler de... Ah oui, éviter de pisser n'importe où. Non, je dis ça parce que... ou alors de prendre l'avion avec Gérard Depardieu. Ça dépend comment tu prends le truc. Oui, c'est vrai, effectivement, parce qu'on pourrait vite se retrouver sali. Bah oui, parce qu'il a dérapé une fois de plus. Apparemment, il était sous l'emprise de l'alcool, Gérard Depardieu, donc ce comédien français. Eh bien oui. La vraie question, question, c'est quand est-ce qu'il n'est pas sous l'emprise de l'alcool? Je ne sais pas, peut-être quand il dort, enfin, quoique il cuve, donc c'est pareil. Oui, ouais, il décuve. il était dans un vol Paris-Dublin et il a demandé d'aller à la toilette. Enfin, il a plutôt dit je veux pisser à une hôtesse de l'air qui lui a dit c'est pas possible, on est en train de décoller. Et là, il s'est mis debout et il l'a fait par terre. Selon, ah, normal, hein. Selon une hôtesse de l'air, parce que lui, il affirme autre chose. Il affirme, lui, qu'il a dû faire dans une bouteille et qu'il était désolé d'en avoir mis à côté. Ah bah oui, bah s'il est désolé, alors ça va. Bah écoute, oui. Si on s'excuse, c'est bon. C'est moi, je vais essayer dans le studio. Bah, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Bon, j'ai essayé de viser, hein, mais bon, vous comprenez que c'est un peu compliqué, donc je suis vraiment désolé. Hein. Alors qu'il aurait pu faire un concours avec les autres passagers. Hein. Oui, voilà, ah, c'est oui. Ça. Il va le plus loin dans l'avion. Ah enfin, oui, un truc rigolo quoi, pour passer le temps. Oui. Enfin, heureusement que Sébastien Loeb allait à ce poste quelqu'un, n'a pas pris un volet Francière, hein, parce que sinon il était un petit peu dans la merde. Oui, bah, c'est un peu le cas de le dire, effectivement. Ouais. Bon, Sébastien Loeb qui est là pour la déclaration express, ce sera tout à l'heure. Donc, si vous voulez vous inscrire pour faire une déclaration express à votre copain, votre copine, votre futur copain, votre future copine, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au 30-44, 50 centimes le message. Débutez le message par déclaration. Dans un instant, nous allons faire un tour du côté de la route et puis la ligne anti-relou et la question qui colle, c'est juste après ça sur Fun. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. À 6h45, allez, on fait un tour du côté de la route maintenant. Il y a des trucs qui se passent ce matin? Ça se passe plutôt bien, ça roule très bien pour l'instant. Par contre, moi j'ai remarqué qu'il y avait un petit radar sur le 25 Liège vers Neuchâtel entre Sprimont et Ferrières. Soyez prudent. Il fallait comprendre Liège, parce que Liège, je sais pas bien où ça se trouve, mais enfin bon, il fallait comprendre Liège. C'est pas gentil, dès que je rippe sur un mot, tu me. Mais alors que ça passe complètement inaperçu. Mais non, mais personne n'a remarqué. Les gens sont sur l'autoroute, ils se disent mais c'est où Liège? Je sais pas où c'est, moi, tu vois. Liège vers Neuchâtel. Ben voilà. Je vais m'entraîner à articuler jusqu'au prochain flash. Liège vers Neuchâtel. Tout à fait. D'accord, ok, je voyais pas ça à côté moi. Non, moi non plus, t'es sûr? Si, sur le 25, Liège, vers Neuchâtel. Oui, c'est vrai, vert, vert. Oui, entre Sprimont, comment on remet en doute ma parole, quoi. Alors que les journalistes, si on est des Soums, tu vois. Non, bah attends, okay. C'est vrai que t'as quand même lu les Schtroumpfs alors que nous on a simplement regardé les dessins animés, tu vois. Rien que ça, ça met quand même un certain. Et quoi, c'est génial les Schtroumpfs, mais en oui. Vrai. Mais moi je l'ai regardé en néerlandais donc. Top, un niveau au-dessus. Oh bah, l'autre chose encore maintenant. Non, je comprenais pas les histoires. Mais... ça doit être ça. Allez, ligne anti-relou. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? Personnellement, c'est bien ce que je pensais. Si. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bah oui, voilà. Alors, ligne anti-relou, comme tous les matins, à l'heure moins quart, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, on écoute les meilleurs messages que vous avez laissés sur la ligne anti-relou. Le numéro de la ligne anti-relou, je le rappelle au cas où, 0473, bien entendu, 86-0013, c'est le numéro à donner à tous les relous que vous allez rencontrer. Du coup, ils vont laisser des messages sur notre répondeur et nous, bien sûr, on se fait un plaisir de diffuser tout ça à l'antenne. Attention, aujourd'hui, il y a du lourd, on commence avec le premier message. Allô? Ouais, tu m'avais promis que tu allais me rappeler, hein, tu me rappelles pas. Allez, bon, moi, je t'attends. On avait passé une soirée super. Oh, en plus, tu m'avais demandé de plus boire. J'ai plus bu. D'ailleurs, je bois plus. Non, je te jure, je bois plus. J'ai arrêté, je bois plus. Je me suis juré, tant que je te reverrai pas... C'est bien ça, je bois plus. Rappelle-moi, hein, t'as mon numéro. Et puis ça va changer sa vie en plus à la fille. Ça ne donne pas très envie de rappeler. Non, mais c'est surtout que la fille va dire oh mon Dieu, le pauvre, il va plus boire. Bon, bah, je vais aller le voir, tu vois. Par contre, il a pas tenu très longtemps quand même. Non, hein, non, il a pas tenu longtemps. Allez hop, deuxième message sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, allô, ici c'est moi. Puis, je sais pas, tu me dis t'attends là, je t'attends, et que dalle quoi. Les couilles gelées, quoi. Après tout, c'est quoi, si vraiment tu me fais attendre, c'est quoi, va te faire foutre, hein. Oulala, le relou est énervé. Ah oui, le relou est un peu énervé, oui. Va te faire foutre, quoi. Bah oui, dis, arrête un peu. J'ai les couilles gelées. Ah, d'accord. Allez, troisième et dernier message de la ligne anti-relou ce matin, on écoute. Martine, tu m'as donné rendez-vous à la gare. Là, en plus, tu m'as demandé de me mettre à poil. Je suis à poil devant la gare, mais... Je suis en érection et j'ai peur que le truc arrive parce que c'est quand même un quart d'heure que je suis là tout complètement à poil. Là, c'est moi qui me regarde, puis l'air con. Dépêche-toi d'arriver, hein, parce que c'est pas ce que tu voulais pour que je sois à poil devant la gare. Tantôt. C'est pas possible. Donc le dis, mec Julie, dit allô Julie, oui, dis je suis à poil devant la gare. Dis je t'attends, tu m'as dit de faire ça, moi je suis là. Hein. Quand est-ce que tu viens Julie? Mais apparemment le relou est obéissant, hein, parce qu'on lui demande de faire quelque chose et il le fait. Et le relou est un peu con aussi. Hein. Ah oui, ça aussi un en petit passage. Peu con, ouais. Hein. Allez, 0473-86-0013, c'est le numéro de la ligne anti-relou à faire passer à un maximum de monde, car tous les matins, on vous diffuse les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou justement. Allez, on se fait maintenant la question qui colle. Combien de fois Marc Martin a-t-il raté son permis de conduire théorique? Marc Martin, évidemment, cherchez pas, vous obstinez pas à savoir qui est Marc Martin, c'est monsieur tout le monde. On aurait pu l'appeler Jean-Charles Dufour, ça aurait été pareil. Donc combien de fois cette personne, donc Marc Martin pour ne pas le citer, a-t-il raté son permis de conduire théorique? Si vous avez la bonne réponse, 30-44, il y a des cadeaux pour vous. Vous envoyez votre bonne réponse par SMS, c'est 50 centimes le message. On vous rappelle en direct dans moins de 10 minutes, juste avant les infos, et vous donnerez la réponse. Combien de fois Marc Martin a-t-il raté son permis de conduire théorique? Ça se donne en deux chiffres. Et on s'écoute la parodie du morning maintenant. Là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmène. Motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Ça fait crédible ? Pas vraiment. La nouvelle parodie de l'émission Le Morning avec Kinvey, moi-même et puis Sébastien Loeb qui chantait également. Et puis je rappelle la question qui colle, on donnera la réponse dans 5 minutes. Combien de fois Marc Martin, donc un illustre inconnu mais peu importe, a-t-il raté son permis de conduire? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à l'envoyer au 3044, hein, 50 centimes le message. Combien de fois Marc Martin a-t-il raté son permis de conduire? Voilà, si vous avez la bonne réponse, donc 3044. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises réponses aussi qui sont arrivées. 112 fois. Non, on n'abuse pas non plus quand même. Quand même beaucoup. C'est dans deux chiffres. Donc voilà, c'est entre 10 et 99, concrètement. Oui. C'est ça, hein. Oui, mais ça voilà. Fait quand même au-delà de même 10, c'est déjà. Au-delà beaucoup. De 50, c'est ça, hein. Au-delà de 50. Mais voilà. Même 10, j'aurais trouvé ça beaucoup. Oui, mais là, c'est plus que 50 déjà. Donc si vous avez la bonne réponse, 30-44, allez-y. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de Toff là? Depuis que t'as renversé ton truc, là, t'as l'air un peu chelou, là, non? Non, un peu mais... bizarre ce matin, non? Ouais, mais en fait, non, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. Ah, bah la bonne. Tu veux arrêter d'être dégueulasse? Non, mais comme j'ai vu que Julie avait arrêté les hommes pour se consacrer aux femmes, là, moi aussi, j'ai décidé de changer. Ah bon, tu vas chercher un homme? Non, c'est trop compliqué, un homme. Non, j'ai vu des annonces pour des chèvres et je me dis qu'elles ont sûrement plein d'amour à me donner. Oh ouais. Non, on va appeler des éleveurs de chèvres pour leur demander si tu peux avoir une chèvre, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pour lui donner tout mon amour et surtout ma grosse tendresse. Oh, c'est dégueulasse. Oh non. Mais non, les chèvres aussi, elles ont droit à l'amour. Allez, on appelle à Namur. Allez, on appelle à Namur, là, oui, c'est vas-y, bon. On appelle Namur. Bon, allez, c'est parti. T'as un peu une tête de bouc. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, voilà, je vous appelle pour l'annonce au sujet des chèvres. Oui monsieur, oui. Voilà, je voulais savoir si c'était possible de les louer à l'heure. Oui. Attendez, vous allez me louer une chèvre à l'heure? Oui, voilà, c'est ça. Parce que... Alors expliquez-moi, dites-moi un peu plus. Bah, non, c'est-à-dire que, voilà, en fait, j'étais très déçu des femmes. Et voilà, les prostituées, c'est pas mon truc. Et donc je me disais que peut-être avec une chèvre, ce serait plus agréable. Je vous laisse, j'ai du travail. Bah, attendez, monsieur, et pour la chèvre, alors, comment on peut s'arranger? Je vous l'offre. Ah, c'est vrai? Ouais, je vous l'offre. Mais vous me l'offrez définitivement ou... Oh! Attends, mais. Ah, non, c'est con ça! Attends, il a pas eu le temps de me répondre, il faut qu'on le rappelle! Non, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais, hein! Ah, mais si, attends, je suis sur un coup là, je suis sur un dos, ça va marcher! Mais moi je sens le râteau, mais bon, allez, vas-y, si tu veux, on le rappelle. Mais Julie, allez. On le rappelle? Allez, bah, on le rappelle. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti, c'est validé par Julie, hein! J'ai pas le choix. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. La chèvre, vous me l'offrez définitivement ou c'est juste Blur que vous m'offrez avec la chèvre? Oh là là, t'as rien d'autre à faire, genre. C'est quelqu'un bien mature, t'as rien d'autre à faire. Il y a des gens qui travaillent, t'as que ça à foutre. Mais monsieur, enfin, moi j'essaie de... T'as 8 ans ou quoi? Non, t'as 8 ans ou quoi? Mais attendez, monsieur, moi j'essaie de trouver... T'as 8 ans, on a pas un geste, mais putain, qui gamin. Il fout la paix aux gens, fous-moi la paix. Et j'ai pas envie que tu me retéléphones, je te peux te garantir, je vais à la police. Et je donne ton numéro. Oh, voilà, enfin, monsieur, moi, je cherche juste l'amour et vous me traitez... Ouais, ben, je cherche l'amour. Va dans un zoo, va où tu veux, mais casse-moi pas les couilles, je te remercie. Ah, mais il avait l'air gentil, en plus, hein. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Alors on mettra le couvert à l'heure, on essaiera d'appeler ailleurs, hein. Ouais, je suis très déçu. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. La réponse à la question qui colle, c'est dans un instant sur Fun Radio. Les infos, ce sera dans un instant également. Et puis vous toutes et vous tous en direct, évidemment, au 3044, Maroon 5 et Christina Aguilera, Moves Like Jagger sur Fun. Exactement, il est 7h du mat, dans un instant les infos, on paiera vos factures également d'ici quelques minutes, si jamais vous voulez vous inscrire, 63-22, débutez le message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture, on fera un tour du côté des factures dans un instant, et avant ça, nous avons Ornella qui est avec nous, 35 ans de Charleroi, salut Ornella, comment vont les Carolos ce matin? Super bien, au réveil. Eh oui, bon réveil à toi Ornella, t'es depuis quelle heure? Merci. 6h15. Ça va, oui, ça va. Voilà. C'est bien aussi. Bon, Ornella, tu as la réponse, toi. Marc Martin, oui. Donc, qui est un agriculteur hein, de Zillebec, près d'Ypres, qui parvient pas à décrocher son permis de conduire théorique. Et donc, combien de fois a-t-il tenté de repasser son permis? Le pauvre, 65 fois. Oui, à 44 ans, il a démarré à 18 ans. Hein. Non, il essaie depuis 2004, mais j'étais pas loin quand même. Hein. Non, mais c'est un gogol aussi, le mec. Il a l'air un peu con. Le mec, il explique qu'il y va et il étudie pas. Donc forcément, à un moment... Il doit quand même connaître toutes les questions par cœur. Quoi. Bah, mais c'est pas pour ça qu'il connaît les réponses par cœur, puisqu'il n'a jamais étudié. Et, non, il dit, je suis allé une fois sans avoir rien étudié ni préparé, c'était presque mon meilleur résultat. Voilà. Bon, merci, on est là grâce à ça, grâce au fait que tu sois mauvais, tu gagnes des cadeaux, c'est la bonne nouvelle. Je te renvoie au standard et puis je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne journée. Ok, moi aussi, je vous embrasse tous. Salut, à bientôt. Et au revoir. Il est 7h01, on fait un tour du côté des infos maintenant, Julie. Salut à tous, des virements par PC Banking ont été piratés. Un logiciel malveillant sévit depuis une dizaine de jours sur les PC Banking liés aux grandes banques belges. Plusieurs clients auraient vu leur compte vidé à 90%. L'intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC Banking concernerait les 4 grandes banques belges. Mais seule ING a confirmé qu'elle était au courant du problème. Les clients auraient vu s'afficher une fenêtre pop-up inhabituelle leur demandant de confirmer un virement et auraient vu peu après leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. Le formateur Elio Di Rupo accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV Waterbeck lundi, mais il a avancé le rendez-vous à vendredi matin. Une séance plénière est également prévue demain, ce qui veut dire que les 8 parties prêts à négocier se retrouveront tous autour de la table. Cette réunion se poursuivra samedi après-midi. Elio Di Rupo avait déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. La rentrée scolaire coûte en moyenne 785 € par enfant en frais d'inscription et en matériel scolaire. Donc selon un sondage mené par le CRIOC auprès des Belges, c'est une légère augmentation de 10 € par rapport à l'an dernier. En ce qui concerne le matériel scolaire, le montant que les parents s'attendent à devoir payer varie en fonction du type d'enseignement. Enseignement de 67 € pour les maternelles à 132 € dans le supérieur. Le fisc rembourse plus rapidement. C'est une bonne nouvelle. Si tout se déroule normalement, 1 million de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années. Les personnes qui ont rempli leur déclaration d'impôt via TaxonWeb ont plus de chances de recevoir leurs avertissements extraits de rôle plus rapidement, étant donné que ces déclarations sont prioritaires. C'est justement grâce à ce système de TaxonWeb que le fisc a pris de l'avance. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, les légumes d'été se vendent à petit prix. Mais tu n'achètes pas de légumes, c'est normal. Oui, merde. Voilà, les prix ont chuté de 30% par rapport à l'an dernier. Selon les producteurs, si les salades, concombres et tomates se vendent à prix réduit, c'est à cause de la météo et de la crise de la bactérie E. coli. Très bien. Et enfin, le pape arrive aujourd'hui à Madrid pour les journées mondiales de la jeunesse. Hier, des incidents ont déclaré... Hier, des incidents ont éclaté entre laïcs et jeunes catholiques. Les laïcs reprochent à cet événement de coûter trop cher. Bilan, 6 arrestations et 2 policiers légèrement blessés. Et puis quand même un petit mot de sport. En barrage aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné malheureusement 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. Oui, incliné, mais enfin ça va quand même. Ils ont mis un but à l'extérieur, donc voilà, c'est positif quand même pour eux. Il y a encore moyen de complètement mort. Sauvé, quoi. Ouais, voilà. C'était mal barré, mais c'est pas complètement mort. Allez, la météo maintenant, c'est parti. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais tout ça sous un ciel couvert et un risque de pluie. Température de 22 à 28 degrés. Demain, timide retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. Et dans un instant, l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 7h05, l'info en plus maintenant alors. Alors, le Wall Street Journal a révélé les résultats d'une étude plutôt surprenante. Vous pensiez qu'il fallait se montrer gentil et disponible au travail ? Eh bien, pas du tout. Les salariés agréables ont des revenus inférieurs à leurs collègues qui le sont moins. Donc apparemment, les gentils ont plus de peine à s'affirmer dans les négociations salariales. L'écart de salaire entre les agréables et les moins agréables est quand même de l'ordre de 18% pour les hommes et 5% pour les femmes. Ah ouais, d'accord, donc tu as vraiment une teigne, toi. Hein. C'est pour ça que tu fais la gueule tout le temps. Je savais que j'allais me prendre ce genre de choses. Mais je crois que si on compare mon salaire avec le tien, je pense qu'on sait tout de suite qui est le moins agréable. Ouais, et pourtant, comme quoi, tu vois, ton information ne veut rien dire. Bon, l'info en plus et l'info tout court reviennent tout à l'heure aux alentours de 7h30. Dans un instant, on paye vos factures. Inscrivez-vous encore si vous le souhaitez. 63-22, débutez le message par facture. C'est 1€ par message. Débutez par facture, vous laissez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on vous rembourse aux factures juste après. Le son d'Ina maintenant, c'est Club Rocker sur Fun. Ina à l'instant sur Fun Radio avec Club Rocker. Bonjour et bon réveil tout le monde, il est 7h10 et on va payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. C'est parti pour le paiement des factures, on fait ça 3 fois par matinée et on va démarrer maintenant la 63-22. Débutez le message par facture, vous laissez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rembourse votre facture, ça vous coûte 1€ et peu importe le montant de la facture. Bon, je vous le dis, j'ai vu un message, il y a eu un mec qui voulait qu'on lui rembourse sa caisse de 5000€. Rêvez pas non plus, hein. Non mais... J'ai dit peu importe le montant de la facture. Oui, mais je ne suis pas là pour le moment, vous pouvez me laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. Merci, à très bientôt. Ah oui, c'est dommage. Ah, pas de chance. Eh oui, je suis là moi par exemple pour le moment. C'est bien les gens qui sont sur leur répondeur de téléphone portable qui je ne suis pas là. Ça veut dire que le téléphone est seul. Tu n'étais pas là. Non mais ça veut dire que le téléphone est seul. Ah, oui, c'est sans téléphone, son propriétaire. C'est un téléphone portable. Ne délaissez pas vos téléphones pendant les vacances. Voilà. Ne les abandonnez pas. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio. Enfin, ton répondeur est en direct à la radio sur Fun. Et on voulait te payer ta facture. Peut-être combien toi, français ou pas? 70€, un peu plus je crois. Ah oui, c'est dommage. Oui. Ah oui, c'est vraiment dommage. Bon bah tant pis, hein, écoute, tu retentes ta chance quand tu veux. Je ne sais pas quel était l'objet de la facture, mais c'est pas grave, 70€ qui reste dans notre poche et qu'on redistribuera peut-être même plus, peut-être tout à l'heure, dans moins d'une heure, à ceux qui vont s'inscrire dès maintenant ou ceux qui se sont inscrits, hein, parce qu'il faut pas forcément s'inscrire 100 fois non plus. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. En tout cas, je te fais des gros bisous et tu retentes ta chance quand tu le souhaites. Dans un instant, c'est Jean Rock qui débarque de Luna Florida, ce sera I'm Alright et on fera l'horoscope également, restez là. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 7h12, bon réveil tout le monde. Dans un instant, nous allons faire l'horoscope avec notre ami Doudou. Et puis, en attendant, c'est Jean Rock qui est là avec nous. Kate de Luna également et Florida comme promis. C'est I'm Alright sur Fun Radio. Bon réveil, c'est jeudi aujourd'hui, 18 août. Radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 7h16, on passe à l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, l'horoscope, il est temps de faire un tour de côté de cet horoscope, justement, maintenant. N'est-ce pas, Doudou? Ah oui, un tiscope, des tiscopes, toi, tiscope, si t'en tout, Doudou. Bon, on passe à l'horoscope. Ça vous a pas plu? Si, si, c'était parfait. Bon, les béliers. Ah, vous ne vous êtes plus senti aussi bien depuis longtemps, mais veillez à ne pas dépasser vos limites. Je suis pas rendu compte ce matin à 4h30 quand le réveil a sonné, mais certainement, Doudou, je viens vous croire. Ben oui, regarde, tu es en pleine forme. Ah, oui, il est taureau. Travaillez à votre emploi du temps et choisissez vos priorités. Les gémeaux. En ce moment, il y a des choses plus importantes que les soucis financiers. Car ils ne sont pas justifiés. Pensez qu'il y a toujours plus pauvre que vous. Les cancers, comme je dis. Vous avez parfois du mal à accepter les conseils des autres. On lui dit le matin d'être moins aigri, tout ça, etc. elle veut pas. Les lions. Une entrée d'argent conséquente pouvait vous récompenser de votre labeur. Alors allez jouer au casino. Mince. Pourquoi je suis pas lion? Je sais pas. Peut-être parce que tu as déjà toi d'argent. Non, bah alors probablement, là, non. Probablement, oui. Ah, je crois pas. Ça. Les vierges. On pourrait mal interpréter un geste que vous avez fait de bon cœur. Et on le regrettera. Ouais. Mais c'est pas grave, pensez à pardonner. Tant mieux, les balances. Ne craignez pas de faire des erreurs. Tout le monde peut se tromper, même moi. Eh oui, bah oui, surtout, hein, les scorpions. Soyez à la guerre, surtout dans votre entourage. Vous allez peut-être rencontrer l'amour aujourd'hui. On sait jamais, les sagittaires. Pour un jour ou pour une nuit. Ben oui, les sagittaires. Quelqu'un essaye de vous faire du tort. Pas de panique, les astres sont avec vous. Les capricornes. Question boulot, vous êtes imbattable aujourd'hui. Les Verseaux. Aujourd'hui, il se peut que vous ayez des surprises houleuses dans votre couple. Voire peut-être une rupture. Oh bah je c'est suis positif. Désolé. Ah bah ils vont être contents, les Verseaux, tiens. Ah et, oui. puis, les poissons pour terminer. Si vous avez oublié de régler une facture, vous allez avoir des problèmes. Ah, les poissons, il est encore temps hein, d'envoyer un SMS au 6322 si vous le voulez. Bon, on sait jamais. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, on fera ça dans 45 minutes. 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, on fera ça tout à l'heure. Bon, Doudou, on vous retrouve dans une heure. D'accord, pas de problème. Pas de problème, tant mieux, bien. Bah oui, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Bah, je me doute bien, allez, à je tout à l'heure. Je chante un petit coup. Non, ça va aller. La question qui colle va arriver également dans quelques instants, et puis on parlera de Ryanair aussi dans un instant. Le temps d'écouter le son de Britney Spears. I wanna go maintenant sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil. Il est 7h19 sur Fun. Britney Spears sur Fun Radio à 7h22. C'est jeudi aujourd'hui, le 18 août, et on est ensemble jusqu'à 9h30. On paiera vos factures encore une fois tout à l'heure, et avant cela, on fera un petit tour du côté de la ligne anti-relou. Ce sera dans quelques instants. Et la semaine dernière, il y a les employés de Ryanair là qui se sont plaints sous couvert d'anonymat des conditions de travail dans la compagnie aérienne. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et du coup, un syndicat a décidé de porter l'affaire en justice. Mais comme on est toujours premier sur l'info, n'est-ce pas Julie? Mais évidemment. Mais évidemment. Donc ce matin, on reçoit le directeur du personnel de Ryanair, c'est Sir Maxime My Pocket. Yes, thanks. Comme tu peux le voir, moi je fais le déclaration, le témoignage dans ton émission Le Visage à découvert. Oui, enfin bon, c'est normal, vous êtes le patron là, mais bon, peut-être que vous voulez faire une déclaration. Yes, je comprends pas les employés qui se plaignent. Nous sommes une compagnie familiale qui les traite comme ses propres enfants. Oui, enfin bon, vous leur demandez quand même de payer leurs uniformes quand même. Yes, well, c'est vrai, mais s'ils n'avaient pas l'uniforme, ils viendraient travailler tout nus. Ils achèteraient du vêtement, donc c'est pareil, sauf qu'on demande tout le monde d'acheter le même vêtement. Bon, admettons, mais alors pour les vacances que vous annulez alors? Les vacances? Mais ils sont toujours en vacances. Un jour Barcelone, l'autre jour Oslo, le lendemain London. Enfin, franchement, vous ne voudriez pas visiter toute cette ville? Oui, enfin, visiter, alors c'est vite dit, on doit quand même rester enfermé dans l'aéroport, donc c'est pas génial, quoi. Yes, well, c'est un bâtiment comme un autre. Un aéroport, c'est comme Big Ben ou votre atomium. Oui, atomium, oui. C'est un monument d'art qui mérite qu'on s'y attarde. Moi, je trouve qu'on ne visite pas assez les aéroports. Non, mais vous vous rendez compte que ce que vous dites, c'est complètement débile, c'est horrible. Horrible? Of course, no. Je peux pas laisser dire ça. Quelle entreprise peut vous permettre de partir travailler comme ça du jour au lendemain sans prévenir dans un autre pays? Bah, attendez, vous pouvez pas faire ça là, vous devez prévenir. Prévenir? Mais enfin, c'est une chance de pouvoir découvrir d'autres gens, ça va former votre caractère. C'est que du bon. Vraiment, je comprends pas vos criticisms vis-à-vis de Ryanair. Hein? Parce que tu es secrétaire, tu fais quoi? Bah vous répondez au téléphone, vous écrivez du courrier, enfin je sais pas moi. Mais non. Tu fais du café gratuit pour une boîte pour que c'est ton patron. Alors que quand tu es dans Ryanair, tu fais du café deux fois plus dégueulasse pour ce même Guapore et il te paye et il te dit merci. Alors quand je dis que c'est que du bon de travailler chez Ryanair. Oui, bah oui, vous avez raison, là, une compagnie modèle où tout le monde devrait être heureux de travailler, effectivement. Oui. Bah oui, ouais. Exactly, nous sommes le rêve du travail. Oui, ça doit être ça. Bon, mais merci d'être venu, Sir Maxime My Pocket. Hein. Yes, it's my pleasure. Oui, bon, on n'en doute pas un instant. Bon, comme quoi, des cas sociaux, il y en a partout. Hein. Dans un instant, la blague du jour, ne bougez pas. Dans 5 minutes également, un tour du côté des infos. Et Gatik, Hysterica maintenant, Electric Violent maintenant sur Fun Radio. Le son de Cathy, le son de Cathy Hysterica. On aurait dit Monsieur Moon. Oh Dieu, c'est méchant. Oh ça va Monsieur Moon, tu vas trouver dans le self tout à l'heure à partir de 9h30 pour choisir vos disques. Voilà, 7h27, bonjour, bon réveil tout le monde. Dans un instant on paiera vos factures, ce sera tout à l'heure. La ligne anti-relou va arriver également dans quelques instants. Et c'est parti maintenant, je rappelle que si vous avez des petites blagues pour la blague du jour, n'hésitez pas à les transmettre au 30 44 50 centimes par message. Et si elle est drôle, on vous rappelle évidemment en direct toutes les heures à la demi. Voilà, c'est ça. Et nous avons qui maintenant pour la blague du jour? Bonjour. Allô. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Salut, Nicolas. Salut Nico, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? Je suis de Dompierre-sur-Vel, à Bourg-en-Bresse. Ah, en France? Ouais. Ah, la France, vous écoute ce matin. Bon, bah c'est très bien. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans, bon, tu as la blague du jour? Ouais. Allez, on t'écoute, avec attention. Ouais. Alors c'est un enfant qui dit à sa mère: maman, il y a quelqu'un à la porte qui fait la collecte pour la maison de retraite. Et le gamin lui répond: est-ce que je peux lui donner grand-mère? Voilà. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 7h29 sur Fun Radio, bonjour et bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va faire un petit Mickaël réveille la Belgique. Si jamais vous avez envie de vous inscrire, dès maintenant, vous pouvez le faire. 30-44, débutez le message par réveil. Le but est facile, vous allez réveiller quelqu'un qui se trouve dans la maison, hein, le frère, la sœur. Vous allez réveiller le voisin par exemple, ou vous êtes peut-être déjà au travail, il y a du monde. Le but est de crier Mickaël, tous les matins, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Et si vous gueulez bien et qu'on entend bien que ça gueule, eh bien vous gagnerez les cadeaux. C'est aussi simple que ça, inscription au 30-44, débutez le message par réveil. Et puis c'est parti, 7h30. Les infos maintenant, c'est parti avec Julie. Salut à tous, des virements par PC Banking ont été piratés. Un logiciel malveillant sévit depuis une dizaine de jours sur les PC Banking liés aux grandes banques belges. Plusieurs clients auraient vu leur compte vidé à 90%. L'intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC Banking concernerait les quatre grandes banques belges. Mais seulement ING a confirmé qu'elle était au courant du problème. Et les clients auraient vu s'afficher une fenêtre pop-up inhabituelle, leur demandant de confirmer un virement et auraient vu peu après leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. Le formateur Elio Di Rupo continue ses entretiens et accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV Waterbeek lundi, mais il a avancé le rendez-vous à demain matin. Elio Di Rupo a en effet déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. Et si on n'a toujours pas de gouvernement, apparemment on a plus d'argent. Privé de gouvernement, le citoyen belge n'a pas eu à subir de cure d'austérité imposée par ses dirigeants politiques. Du coup, la croissance économique se porte bien et le pays résiste mieux à la crise que ses voisins directs. Dans les pays voisins, les mesures d'austérité ont en effet détérioré l'activité économique à court terme. Mais par contre, les effets à plus long terme chez nous pourraient être négatifs. Plus la Belgique attendra pour prendre des mesures d'économie, plus les mesures seront radicales. En bref, la rentrée scolaire coûte en moyenne 785 € par enfant et en frais d'inscription et en matériel scolaire. C'est donc une légère augmentation de 10 € par rapport à l'an dernier. Google a été condamné à payer une amende de 150 000 €. L'entreprise a récupéré des données sur des réseaux internet sans fil via ses voitures Google Street View. Google a donc violé la loi des communications électroniques. Et puis le fisc rembourse plus rapidement les avertissements d'extrait de rôle. Si tout se déroule normalement, 1 000 000 de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années, et c'est grâce au système Tax on Web que le fisc a pris de l'avance. Et puis vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, les légumes d'été se vendent à petit prix et les prix ont chuté de 30% par rapport à l'an dernier. Selon les producteurs, si les salades, concombres et tomates se vendent à prix réduit, et c'est à cause de la météo et de la crise de la bactérie E. coli. Enfin, en sport, en barrage aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné malheureusement 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. 7h33 et on fait un tour du côté de la météo. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais tout ça sous un ciel couvert avec un risque d'averse. Ah, ça va alors. Température, tout va bien, il n'y aura pas de changement. Ouais, génial. Température quand même, allez, de 22 à 28 degrés. Demain, timide, retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. Mais quelle bonne nouvelle. Et c'est là qu'on se rend compte. On a quand même eu un bel été hier. Hein. Oh là là, magnifique. Mais que hier, hein. Mais sinon bien. Hein. Allez, 7h33, info en plus. Fun Radio. Allez, c'est parti. Il vous est peut-être déjà arrivé d'égarer votre animal de compagnie adoré. Et bien maintenant, on a inventé un système qui va peut-être vous aider, c'est le Pet Tracker. Ce système est le dernier né des médaillons pour chien ou chat. Ce système high-tech utilise les données GPS afin de permettre au maître de toujours connaître la position de leur animal. Et comme je le dis, hein, c'est effectivement, ça peut être pas mal quand on abandonne son animal. Du coup, on est sûr qu'il revient pas. Mais quelle horreur, tu n'as vraiment pas le cœur. Non mais c'est vrai, t'accroches le petit truc sur le chat ou sur le chien. Non. Non, non. Comme ça, tu regardes sur le GPS, tu dis ok, c'est bon, il est à 100 km et tu vois s'il se rapproche. Oh non! Tu vois, s'il se rapproche, t'as le temps de déménager, tu te dis bon, comme ça, au moins la maison sera vide, tu fermes tout, enfin je sais pas, moi, ça peut être une idée, faut voir. Oui, oui. Bon, merci pour cette info du jour. Ça fait cher pour un animal qui peut jeter dans le canal. Oh non, c'est horrible, je suis entouré de monde. Tout ça, ce sont des vannes, bien entendu. Il ne faut pas faire ça, n'abandonnez pas votre copain ou votre copine. Enfin, votre chat ou votre chien, quoi, tout simplement, ce que je voulais dire. T'as un chien, comment il s'appelle ton chien? Je parie qu'il s'appelle Félix. Mais je te donne la matinée pour trouver. comment s'appelle le chien de Julie. Si vous avez une idée, aidez-moi hein, sur le Facebook, la facebook.com/mikaelofficiel ou au 3044. Ça doit être un truc horrible pour un chien. Ouais, ça doit être Cubitus. Oh, ça doit être Cubitus, le nom du chien de Julie. Non, non, c'est pas Cubitus. Bon, non. Si vous avez une idée, 3044. Hein. C'est quoi comme chien, comme ça on voit. C'est un beagle. Un beagle. Ouais, d'accord, tu vois pas ce que c'est évidemment. Non, bah moi les chiens. Je sais pas ce que c'est, avoir la classe. Un beagle. Ouais. Bon, allez, si vous avez d'idées, allez-y. Donc 3044, vous nous dites et aidez-moi. On va essayer de trouver le nom du chien de Julie là avant 9h30. Dans un instant, la question qui colle, qui va débarquer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est quoi ton problème? Nous n'avons pas de volontaires pour réveiller la Belgique. C'est pas vrai. Je suis déçu, je suis triste. Oh mince alors. Oui, bon. Si vous voulez faire Mickaël réveille la Belgique, inscrivez-vous, je viens de vous le dire, mais je vous le répète. 3044, débutez le message par réveil, il y a des cadeaux à la clé, il suffit simplement de réveiller des gens de votre entourage qui sont à la maison, qui sont n'importe où, peu importe, en criant tous les matins sur Fun Radio, Mickaël réveille la Belgique. C'est aussi simple que ça, donc on vous attend. 3044, débutez par réveil. Et Lucenzo et Donovan maintenant, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est jeudi aujourd'hui le 18 août et il est 7h36. Et si vous aimez ce style de musique, Lucenzo et Donovan avec Danza Kuduro, je vous donne rancard, enfin pas moi personnellement, mais c'est Manu qui vous donne rancard. Tous les vendredis entre minuit et 1h du matin, c'est l'Invasion Latina. Pendant 1h, c'est que des sons latinos sur Fun Radio, donc faites passer le message pour ceux qui seraient pas encore au courant. Invasion Latina, donc tous les vendredis entre minuit et 1h du mat. Alors on cherche toujours le nom du chien de Julie, hein. Son chien s'appelle Télé-Z. Non, pas du tout. C'est pas le même chien. Télé-Z, c'est un basset, mais c'est pas loin. C'est pareil, il s'appelle Spock. Car il a de grandes oreilles. Non, d'ailleurs c'est une femelle. Ah, il s'appelle Jules comme Julie, Julie, Julie, Julie. Non, Julie. C'est une femelle, donc c'est pas possible. Bon, enfin bon, ça change Julienne. Rien. Julienne. Julienne. Oh, Julienne, le chien de Julie, ça peut être bien ça. Bon, si vous avez des idées, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Mehdi qui proposait, il s'appelle Julie comme sa maîtresse. Pourquoi pas? Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est dommage. Bon, bah les SMS aussi, ça fonctionne. Un 3044, vous proposez. Bon, allez, ça commence par quelle lettre? Un G. Un G. Gargamel. Oui, mais je te dis que c'est une femelle. Toi, tu. Alors, c'est pas grave. Ah, tu peux appeler Gargamel. Ça aurait plus été pour un chat, tiens, Gargamel. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, on n'est pas dans le détail. Hein. Non, bon, c'est vrai. Allez, si vous avez des idées, 3044, allez-y. On vous donnera un petit cadeau. Bon, on vous offrira le chien de Julie. Oui. Pas voilà, du tout. Ça paraît un bon plan, ça tient. Complètement. On vous offre le chien avec le traceur GPS. Oh non, mais elle est trop belle en plus. Laisse-nous. Elle te fait la fête quand tu rentres et tout. Mais bien sûr, bien sûr. Non, parce que je suis plus chez moi, plus beaucoup. Donc elle me regarde à peine. T'as vu, elle l'a abandonné. Non, mais elle est mal. Bon, allez, on va faire le Mickaël réveille la Belgique maintenant. Qui est là pour jouer à ce magnifique jeu? Bonjour, comment tu t'appelles? Amaury, qu'est-ce que tu es en train de faire, Amaury, avec ton téléphone? Je suis en train de courir. T'es en train de courir, d'accord, c'est normal à 7h40 du mat. J'étais dans mon lit, j'ai du mal. D'accord. Bon, très bien. J'ai juste le temps de la musique pour sortir, quoi. Donc ici je cours parce que comme je t'ai dit là pour partir, je suis dans un petit village de merde, ça craint, quoi. Bah oui, j'imagine bien. Bon, écoute, c'est pas grave, t'avais déjà tenté de Mickaël réveiller la Belgique, on va remettre le couvert alors. Hein. Alors, tu as trouvé plus de gens que la dernière fois. Tu vas donc aller chez un voisin et tu vas tenter de le réveiller et donc crier devant sa tronche, Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Si c'est le cas, tu gagnes des cadeaux, sinon tu rentres chez toi et tu pars dormir. On y va? Tu vas chez qui là? Un voisin direct ou pas? Un voisin. Un voisin, d'accord, ok. Un voisin lointain. D'accord, ok. T'as le kit main libre là? Ouais. Tu peux pas l'enlever parce qu'on entend rien du tout là. Voilà, c'est enlevé. Ah bah ça va beaucoup mieux là. Bon, allez, vas-y, sonne chez le voisin ou frappe à la porte, peu importe. Je ne sais pas s'il a une sonnette. Voilà, une sonnette. Vas-y. Et juste après on se fera. Ouais. Malheureusement, tu as la même chance que la dernière fois. Il n'y a personne. Ouais, insiste toujours. Hein. Voilà. Tu vas se mettre un son de. Ah, vas-y, du quoi? Je reste appuyé. Ouais, tu restes. Je reste appuyé sur la fenêtre. D'accord. Encore faut-il que quelqu'un vienne ouvrir. Et donc, je pense que nous pouvons signaler officiellement que Amaury est un foireux. Ah, il a pas de vol. Ou que Amaury habite vraiment dans un village où il a personne. En fait, c'est un village fantôme, il n'y a que lui qui ne le sait pas. Amaury, malheureusement, personne n'ouvre la porte. C'est encore une fois perdu, Amaury. Oh, quelle déception totale. Je reste pas ton tomber, j'ai recommencé. Ah bah tu recommenceras, t'inquiète pas. Bon bah écoute Amaury, en attendant, je te repasse Toff au standard et puis on essaie de reprendre rendez-vous pour que tu retentes ta chance. Une fois de plus, ce sera un drame, mais ce n'est pas grave. On revient dans un instant avec les propositions là pour le chien de Julien. On proposait Joli, non c'est pas ça. Le chien s'appelle Gizmo, Gudule, Gogol, Gertrude, Gala ou Gouttière. Non, c'est aucun de ceux-là. Mince. Bon bah si vous avez une idée, 3044, allez-y. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins et on fait un tour du côté de la route. Maintenant, il se passe un truc, on passe sur la route, Julie. Bah oui, soyez prudents, il y a un accident sur le 313 Anvers-Liège à hauteur de Oussolt. C'est donc en direction de Liège, c'est la bande d'arrêt d'urgence et de droite qui sont bloquées. C'est au kilomètre 84.1. Et si vous êtes témoin de quelque chose sur la route, n'hésitez pas, 3044 bien sûr, vous nous dites. Et nous, on transmettra bien évidemment, c'est parti maintenant pour la ligne anti-relou. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou 0473 86 0013. On vous passe les meilleurs messages. Et c'est comme ça tous les matins sur Fun Radio, la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 0013. Vous donnez ce numéro à tous les relous qui sont derrière vous en train d'essayer de vous gratter le numéro de téléphone. Comme ça déjà, un, vous êtes tranquille, hein, parce qu'après il va plus venir vous prendre la tête puisqu'il aura ce qu'il veut, sauf qu'il ne saura pas que c'est pas votre numéro mais bien le nôtre. Et donc forcément tous les matins nous on écoute les messages qui sont laissés, qui vous sont destinés à la base. La ligne anti-relou, c'est tous les matins, on écoute le premier message. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, tu m'avais promis que t'allais me rappeler, hein, tu me rappelles pas. Hey. Allez, bon, moi je t'attends, on avait passé une soirée super. Oh, ça a l'air, en plus, hein. Tu m'avais demandé de plus boire. J'ai plus bu. D'ailleurs, je bois plus. Ouais, ça se voit. Et tellement dire, super qu'il a donné le numéro en tirant loup. J'ai arrêté, je bois plus. Je me suis juré, tant que je ne te reverrai pas, c'est bien ça, je bois plus. Bah, c'est moi. T'as mon numéro. Voilà, un ancien alcoolique, ouais. Puisque de toute façon la meuf ne rappellera jamais, donc comme ça c'est plié. Bah, c'est bien, il a arrêté de boire définitivement. Oui, ouais, probablement, ouais, probablement. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, allô, ici c'est moi. Puis, je sais pas, tu me dis t'attends, là, je t'attends, et que dalle, quoi. Tu les couilles gelées, quoi. Après tout, tu sais quoi, si vraiment tu me fais attendre, tu sais quoi, va te faire foutre, hein. Oh là. Va te faire foutre, ouais. Ah, il était motivé, lui. Ah, va te faire foutre, hein, ouais. Va te faire foutre. J'ai les couilles gelées. Bah oui. Oui, ça donne très envie de rappeler. Troisième et dernier message ce matin sur la ligne anti-relou, on écoute. Oui, Martine, tu m'as donné rendez-vous à la gare, je suis là. En plus, tu m'as demandé de me mettre à poil. Je suis à poil devant la gare, mais... Je suis en érection et j'ai peur que la flic arrive, parce que c'est quand même un quart d'heure que je suis là, tout, complètement à poil. Là, c'est moi qui me regarde, puis j'ai l'air con. Dépêche-toi d'arriver, hein, parce que c'est pas ce que tu voulais, pour que je sois à poil devant la gare. Tantôt. Je ne sais pas ce que tu voulais. Allez, tantôt, voilà. Je pense que c'était se foutre de ta gueule. C'est ça, c'est ça. Bon, la ligne anti-relou, 0473-86-0013, revient tout à l'heure. 0473-86-0013. Yo, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez, et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Allez hop, on s'enchaîne à 7h40, 7h50 même sur Fun. Un bon vieux son, Evie, Alicia Keys avec Gangsta Lovin. Et dans un instant, la question qui colle. Le son d'Evie à l'instant avec Alicia Keys, c'était Gangsta Lovin sur Fun Radio. Il est 7h53. Bonjour et bon réveil tout le monde. Et la bonne nouvelle du jour, ça y est, Toff n'est plus le même. Mais on en parlera dans un petit instant, hein, Toff. Hein, parce que c'est bien, je suis content que ce soit plus le même. Mais avant, oui, ça, il y a d'abord la question de la ligne anti-relou. La question qui colle, ah, je mélange bon, tout, moi. Mix. Quelle star française a uriné sur les passagers d'un vol Air France? Si vous avez la bonne réponse, 30-44, 50 centimes le message, allez-y. Et puis on va donner la réponse du prénom du chien de Julie. On proposait Ginger, Gouda, Gada, Ghislaine, Géraldine, Globule, Grasse, Gamin, Givré, Gélatissimo, Joupette, Gribouille, Grisouille, Gwen, Gwendoline. Bref. Il n'y a rien de tout ça, hein. Je suis bon, désolée. Bah, comment il s'appelle ton Kleps? Gucci. Oh là là. Bah ouais. Évidemment, c'est logique, oh, je suis une fille. Gucci. Donc forcément, non, il s'appelle Gucci. Non, mais ça lui va tellement bien. Quoi. Ah, quand je l'ai vue toute petite, bah, je me suis dit que je pouvais la. Gucci. J'adore ce mot, en fait. Ah ouais, bah oui, bah Gucci. Ah, ouais, bah, ouais. Parce que t'as pas les moyens, c'est pour ça. Non, ou alors au contraire, quand on vous disait qu'elle était blindée. Oui, moi j'ai un Gucci. Ah oui, il se balade. Mais non, mais j'adore ce mot. Personne ne croit, mais je trouve que ce mot est beau. C'est un beau nom. Ah bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, allez, parlons de bonnes nouvelles. Maintenant, donc, ça y est, Toff n'est plus le même. Comme je le disais, il a décidé de ne plus vous prendre la tête, les filles. C'est fini le relou de service, ça fait plaisir. C'est ça, c'est ça. J'ai enfin décidé de me tourner vers quelqu'un qui saura me comprendre, qui saura apprécier ce que je suis. Ouais, mais t'es sûr qu'une chèvre, ça va te comprendre? Mais oui, je suis sûr, on va connaître l'amour tous les deux, ça va être beau, on va s'enlacer, on va s'aimer. Ouais, enfin, faut encore que tu trouves une chèvre, hein, parce que tout à l'heure, c'était pas terrible, hein, l'appel. Hein. Mais si, je sens que cette fois, c'est la bonne. On appelle à Torny, et je sais que là-bas, elles ont le sens de l'amour. Ah bon, si on l'amour m'attend à Torny. Si on appelle à Torny, alors, allez, c'est parti. Pas des masses. Hein. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de l'annonce pour les chèvres. Oui. Oui, alors voilà, en fait, j'ai une petite question. En fait, bon, moi je suis pas éleveur, je voudrais juste passer un peu de bon temps. Je voulais savoir si c'est possible que je vous loue la chèvre. Oui, vous pouvez venir regarder si vous voulez. Oui, c'est possible. Et c'est possible après que j'aille faire un petit tour avec elle, qu'on voit un petit peu comment on s'entend. Oui, vous pouvez regarder chez nous, même on a des prix, vous pouvez voir. Ah oui, et donc vous avez des petites cabines où on peut se mettre tranquillement avec la chèvre pour... Oh là là. Pardon ? Je dis, vous avez des petites cabines où on peut se mettre tranquillement avec la chèvre ? Oui, vous pouvez venir chez nous et un peu promener, regarder comment ça va. Ah bon. Bah c'est... Et après, je pourrais m'isoler un petit peu avec elle dans une grange ou quelque chose comme ça, que vous avez prévu pour ça ? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'est ça avec... il faut arranger, c'est avec mon mari. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Et ça coûte combien à peu près chez vous? Mais je pense que ça n'est 70 ou 100 euros, c'est ça avec mon mari, il faut pas. Hein. D'accord. Bon, ben ça va, non, 70 ou 100 euros, c'est pas plus cher qu'une pute, donc ça va. Bon, ben écoutez, parfait. Ben écoutez, votre mari est là quand? Dans une heure, vous pouvez téléphoner. Bon, ben ça va, ben, je rappelle votre mari dans une heure alors. Ça va, okay. Merci beaucoup, madame. Oui, au revoir. Au revoir. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Eh ben voilà. Tu vois, je te l'avais dit que c'était la bonne. C'est ça, ouais. Allez, on revient dans un petit instant. Ne bougez pas de là avec Peter Lutz, maintenant sur Fun. À l'instant sur Fun Radio avec Hands Up à 7h59. Je vous rappelle encore brièvement la petite question qui colle. Quelle star française a uriné sur les passagers d'un vol Air France? On donne la réponse dans un instant, juste après les infos. 30 44 50 centimes le message. On vous rappelle en direct aussi si vous avez la bonne réponse pour vous filer vos cadeaux. Et justement, les infos arrivent. On va vous payer vos factures également dans quelques instants. 63 22, débutez le message par facture si vous voulez vous inscrire. C'est 1 euro par message envoyé au reçu. Et vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ouais, on fait ce qu'on peut, effectivement. Dans un instant, les factures, ça se passe au 63-22. Débutez le message par facture. Vous mettez ensuite le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1 euro par message envoyé au reçu. Et à 8h01, on fait un tour du côté des infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Des virements par PC Banking ont été piratés. Un logiciel malveillant sévit depuis une dizaine de jours sur les PC Banking liés aux grandes banques belges. Plusieurs clients auraient vu leur compte vidé à 90%. L'intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC Banking concernerait 4 banques en Belgique, mais seulement ING a confirmé qu'elle était au courant du problème. Les clients auraient vu s'afficher une fenêtre pop-up inhabituelle, leur demandant de confirmer un virement et auraient vu, peu après, leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. Le formateur Elio Di Rupo continue ses entretiens et accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV Wouter Beek avec lundi, mais il a avancé le rendez-vous à vendredi matin. Elio Di Rupo a déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. Et si on n'a toujours pas de gouvernement, apparemment on a plus d'argent privé de gouvernement. Le citoyen belge n'a pas eu à subir de cure d'austérité imposée par ses dirigeants politiques. Du coup, la croissance économique se porte bien et le pays résiste mieux à la crise que ses voisins directs. Dans les pays voisins, les mesures d'austérité ont détérioré l'activité économique à court terme. Mais par contre, les effets à plus long terme chez nous pourraient être négatifs. Plus la Belgique attendra pour prendre des mesures d'économie, plus les mesures seront radicales. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, les légumes d'été se vendent à petit prix. Les prix ont chuté de 30% par rapport à l'an dernier. Selon les producteurs, si les salades, concombres et tomates se vendent à petit prix, c'est à cause de la météo et de la crise de la bactérie E. coli. En bref, la rentrée scolaire coûte en moyenne 785 € par enfant en frais d'inscription et en matériel scolaire. C'est une légère augmentation de 10 € par rapport à l'an dernier. Google a été condamné à payer une amende de 150 000 €. L'entreprise a récupéré des données sur des réseaux internet sans fil via ses voitures Google Street View. Et puis le fisc rembourse plus rapidement les avertissements d'extraits drôles. Si tout se déroule normalement, 1 million de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années. Et ce grâce au système Tax on Web que le fisc a pris de l'avance. Et puis enfin en sport, en barrage aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. On fait un tour du côté de la météo maintenant. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais tout ça sous un ciel couvert et un risque de pluie. Température quand même jusqu'à 28 degrés. Demain, timide retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. Bienvenue en été. 8h04 dans un instant, c'est la question. Je mélange tout ce matin, il faut que j'aille dormir moi. C'est l'info en plus. C'est l'info en plus, Julie, merci. Ouais. Fun Radio. Fun Radio. J'en parlais justement de cette info en plus, qui est donc arrivée maintenant à 8h04, on écoute. Et bien maintenant, je sais pourquoi Toff est désagréable. Ah bah écoute. Le Wall Street Journal a révélé les résultats d'une étude plutôt surprenante. Vous pensiez qu'il fallait se montrer gentil et disponible au travail. Eh bien pas du tout. Les salariés agréables ont des revenus inférieurs à leurs collègues, qui le sont moins. L'explication, c'est que les gentils apparemment ont plus de peine à s'affirmer dans les négociations. Négociation salariale, l'écart de salaire entre les agréables et les moins agréables est de l'ordre de 18% pour les hommes et 5% pour les femmes. Donc on voit maintenant que Julie est totalement désagréable et aigrie, vous le savez maintenant. Mmh, merci. Bah, la reine des chieuses, la radio, bon, c'est... Tout le monde a... T- D'ailleurs, quand les gens la voient arriver, ils vont oh, putain, la chieuse. Ah ouais, c'est ça, y est, c'est l'allée de retour. Tiens, il y a un message qui est arrivé par rapport au chien de Julie. Balance. Mon chien s'appelle Kenzo, belle occasion de faire une rencontre entre chien star et par la même occasion de rencontrer Julie. Ah ouh. Eh oui, tu as un rencard. La peut-être bonne nouvelle. Que vous donnez un certain numéro à ce oui. chien garçon. Oui, peut-être, bah, le tien en l'occurrence, ça, c'est pas mal. Bon, la question qui colle est la réponse. Dans quelques instants, on va vous appeler aussi pour vos factures et on écoute en attendant Pitbull et Marc-Anthony, c'est Rain Over Me. À la radio, enfin, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Pitbull avec Marc-Anthony à l'instant. Rain Over Me sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, tous les matins on paye vos factures à 8h09 ce matin. Bon réveil si vous sortez du lit, mieux vaut tard que jamais, hein. Ah oui, 8h09, oui. C'est quand même la grasse mat quoi. Bon attends, en vacances 8h09 une grasse mat. Ouais ouais, tu sais pas ce que c'est une grasse mat toi alors. Si. 4h30. Attends, quand tu te lèves à 4h30, tu te lèves à 8h, 8h30, tu dures 4h de plus, ça, c'est la grasse mat. Ouais, quand j'ai des potes qui me disent "Oh, je me suis levé tôt ce matin, il était 8h." Je les regarde un petit peu avec un air un peu méchant. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que Julie quand elle est encore à la radio, elle dort encore hein, donc oui, c'est ça bien sûr. Voilà, pour elle la grasse mat c'est midi quoi. C'est voilà. Normal. Bon allez, on vous appelle maintenant pour vous payer vos factures, on donnera la réponse aussi à la question qui colle, c'est juste après, promis, je vais essayer de pas oublier. Et on appelle maintenant quelqu'un au hasard qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et si il ou elle décroche, eh bien ce sera gagné. Nous lui filerons l'oseille de la facture, bien sûr. Quand faut-il que ça décroche? Tout à l'heure, ça n'a pas décroché, c'était le répondeur direct. Allô? Allô? Oui, mais là non. Eh non, là non. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Florence. Florence, bonjour Florence. T'as quel âge et dans quelle ville? Je suis à Bruxelles et j'ai 28 ans. Très bien, Florence. Et tu es célibataire? Oui, Tof, on s'en fout, c'est pas la question. Non, je suis en couple et je suis maman d'un petit garçon. Ah oui, Tof, oh. Non, Tof, il arrête. Hein. Non, j'ai arrêté, je vais retourner voir mes chèvres. Bon alors, Florence, tu nous avais envoyé une facture là. Combien la facture? 75 euros. Alors, qu'est-ce qu'on paye avec 75 euros Ben, les bonbonnières pour... Non, ça c'était ce matin l'appel. Hein. Non, non. Non, c'est les bonbonnières pour le baptême de mon fils. Ah oui, 75 euros. Eh ben écoute, bon baptême. Hein. Voilà. Ah, bah, 75 euros, on va te payer la facture, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout vu, c'est tout fait. Pas de problème. Ah yes, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Florence. Comment s'appelle le petit? Matisse. Ah, je crois que ça s'appelait Gucci. Je me dis, oh, dis donc, il y a encore quelqu'un, oui. Encore quelqu'un qui a mauvais goût. Oui, parce que c'est le chien, c'est le nom du chien, de la chienne, pardon, de Julie. Hein. Bon, ben gros bisous, Florence. T'embrasses le petit, t'embrasses tout le monde, et puis tu reviens quand tu veux. Ok, ça gros va. Bisous. Super. Salut, Flo. Merci. À bientôt. Au et puis les autres, hein, 6322, débutez le message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis vite fait, maintenant, la réponse à la question qui colle. C'est Mickaël qui est là pour la question qui colle. Salut, Mika. Salut. Comment va? Ça va. Bon, t'appelles d'où et t'es dans quelle ville, toi? De Liège. De Liège, oh, salut tous les Liégeois, t'as quel âge? 26 ans. Bon, parfait. Alors, la question qui colle, c'était la suivante tout à l'heure. Quelle star française a uriné sur les passagers d'un vol Air France? Gérard Depardieu. Eh oui, c'est un Julie, on a parlé tout à l'heure à 6h40 si vous n'étiez pas là. 6h40, donc elle a dit qu'effectivement Gérard Depardieu pendant un décollage était très pressé, donc l'hôtesse lui a dit bah non c'est pas possible, on va décoller. Et bon il a pissé sur le sol quoi. Ah. Voilà. C'est Gérard Depardieu, il peut tout se permettre. C'est ça en fait. De toute façon son nez fait peur à tout le monde. Donc. Voilà, c'est aussi personne simple que réagir. Ça. Eh oui. Bon bah bravo Mickaël, je te renvoie au standard, on prend tes coordonnées et on t'envoie ton cadeau, d'accord? Gros bisous. Bonne journée, au revoir. Salut, ciao. Et il y a Shakira et Pitbull qui arrive dans un instant, ce sera Rabios. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et dans un instant, on fait le petit déj service. Donc si vous voulez participer, 3044, débutez votre message par DEJ. Shakira et Pitbull, c'est Rabiosa sur Fun. Shakira à l'instant avec Rabiosa sur Fun Radio, c'est avec Pitbull. Dans un instant, il y aura la parodie du morning aussi que nous allons vous diffuser, hein, puisque vous êtes nombreux à la demander. Et tant mieux, nous, ça nous fait plaisir. Hein, et puis, vous êtes aussi nombreux à envoyer vos messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Si vous voulez venir nous rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus. À 8h30, ce seront les infos. On aura aussi l'occasion de faire péter la ligne anti-relou. Ce sera tout à l'heure. On jouera au petit déj express. Il y aura la déclaration express. Tout ça, ça va arriver aussi dans quelques instants, mais avant cela faisons un tour du côté de l'horoscope maintenant. Fun Radio, l'horoscope. Bon, qu'est-ce que vous faites encore, Doudou, là? Ah bah je voulais offrir une petite rose à Julie et puis je voulais lui chanter une petite chanson. Oh merci. Non mais Doudou, vous êtes pas là pour la draguer. Merci beaucoup. Oui mais c'était une belle chanson, c'était Chérie Julie des Magic System. Non Doudou, ça va, c'est Chérie Coco en plus. Bon bref. Oui mais bon là vous avez cassé tout mon effet. Oui bon oui, c'est pas grave. Oui de toute façon Julie aime les filles, Doudou, vous cassez non, pas la tête. Non pas du tout. Bon alors les béliers, Doudou. Vous ne vous êtes plus senti aussi bien depuis longtemps, mais veillez à ne pas dépasser vos limites. Les taureaux, bon, vous inquiétez pas pour ça. Les taureaux. Travaillez sur votre emploi du temps et choisissez vos priorités. Les gémeaux. En ce moment, il y a des choses plus importantes que les soucis financiers. En plus, ils ne sont pas justifiés. Et rappelez-vous, il y a toujours plus pauvre que vous. C'est pas faux. Les cancers. Vous avez parfois du mal à accepter les conseils des autres. Les lions. Une entrée d'argent conséquente pourrait vous faire vous récompenser de votre dur labeur. Alors jouez au casino aujourd'hui. Et bah pourquoi pas, les vierges. Le rouge. Les vierges. On pourrait mal interpréter un geste que vous avez fait de bon cœur. Et on le regrettera. Mais bon, c'est pas grave, pensez à pardonner. Les balances. Ne craignez pas de faire des erreurs. Tout le monde peut se tromper. Comme moi. Oui, surtout d'ailleurs. Hein. Les scorpions. Soyez aux aguets, surtout dans votre entourage. Vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie ou d'une inouïe. Les sagittaires. Quelqu'un essaie de vous faire du tort. Mais pas de panique, les astres sont avec vous. Tant mieux. Les capricornes. Question boulot, vous êtes imbattable aujourd'hui. Les Verseaux. Aujourd'hui, il se peut que vous ayez des surprises houleuses dans votre couple. Et oui, vous allez retrouver un autre dans votre lit. Peut-être une rupture, qui sait? Bah, on ne sait pas. Et les poissons? Si vous avez oublié de régler une facture, vous allez avoir des petits problèmes. Eh oui, bah c'est dommage, on vient de payer les factures là justement. Bon, enfin, il vous reste une dernière chance aujourd'hui, on remettra le couvert vers 9h10. Donc si vous voulez vous inscrire, 63 22, débutez le message par facture, vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1 euro par message envoyé au reçu. Bon, à tout à l'heure Doudou pour la dernière fois. D'accord, pas de problème. Bon, je suis toujours là. Eh bah tant mieux. Allez, dans un instant, déclaration express. Là aussi, si vous voulez participer, 30 44, débutez votre message par déclaration et puis la parodie du morning maintenant sur la musique de Kinvé, c'est moi-même avec Sébastien Loeb, ça s'appelle Le Morning, il est 8h19 sur Fun. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, ouais, j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dream, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'ensorcelle. C'est fini le zapping, monter les décibels. Direction le morning et la journée sera belle. Moi perso ça me dérangerait pas de me lever tôt. Oh, oh, oh. Ça ne me rendrait pas trop mégalo. Oh, oh, oh. Même si tu ne voudras plus écouter d'autres radios. Oh, oh, oh. Avec ma voix dans tes oreilles, ta matinale sera très chaude. Eh hey, oh, on stoppe les conneries là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop. Non, pas vraiment, non. Voilà la nouvelle parodie. Mickaël avec Kinvé et Loeb. Justement, c'était le morning. Et puis, nous allons accueillir maintenant Angélique pour la déclaration express à 8h23. Bonsoir, non. Bonjour Angélique, comment ça va? Bonjour Mickaël, je vais bien et toi? Eh ben, ça va bien. Dis-moi, attends, avec cet accent, tu dois nous appeler de... Laisse-moi réfléchir... Tournai, non? Luxembourg. Non. Ah, tiens. Arlon. Non. Ah. Ostende. Non. Oh, mince alors. Ouais. Je viens de la même région que Loeb. C'est pas vrai, mais quel... Ah, Charleroi. Non. Ah non, ça c'est dingue, pourtant cet accent, hein, mais... Oh là là, je donne ma langue au chat.

leur demandant de confirmer un virement et auraient vu peu après leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. En même temps, c'est normal, Fortis, ils peuvent pas assumer aujourd'hui. C'est-à-dire avec la boulette qu'ils ont fait ce week-end avec les cartes qui a été avalée, ça fait beaucoup quand même en deux jours. Hein, ça fait beaucoup, oui. Je plains quand même ceux qui ont été... oui, c'est clair. Ouais. Alors, le formateur Elodie Rupo continue ses entretiens et accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV Wouter Beek lundi, mais il a avancé le rendez-vous à demain matin. Elodie Rupo a aussi déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. Et si on n'a toujours pas de gouvernement, apparemment on a quand même plus d'argent. Privé de gouvernement, le citoyen belge n'a pas eu à subir de cure d'austérité imposée par ses dirigeants politiques. Du coup, la croissance économique se porte bien et le pays résiste mieux à la crise que ses voisins directs. Dans les pays voisins, les mesures d'austérité ont détérioré l'activité économique à court terme, mais les effets à plus long terme chez nous pourraient être négatifs. Plus la Belgique attendra pour prendre des mesures d'économie, plus les mesures seront radicales. De plus en plus de Belges sont placés sur écoute. Le relevé des conversations téléphoniques pour confondre des suspects est de plus en plus courant. En 2010, plus de 5000 personnes ont été placées sur écoute, soit environ 450 par mois selon les chiffres de la police fédérale. En 2007, ils étaient un peu plus de 3500. En bref, la rentrée scolaire coûte en moyenne 785 € par enfant en frais d'inscription et en matériel scolaire. C'est une légère augmentation de 10 € par rapport à l'an dernier. Et Google a été condamné à payer une amende de 150 000 €. L'entreprise a récupéré des données sur des réseaux internet sans fil via ses voitures Google Street View. Et puis le fisc rembourse plus rapidement les avertissements d'extraits de rôle si tout se déroule normalement. 1 million de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années. Et ce, grâce au système Taxon Web. Et puis enfin en sport, en barrage aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. Et on va faire un tour du côté de la météo maintenant. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Tout ça sous un ciel couvert et un risque de pluie. Température jusqu'à 28 degrés. Demain, timide retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. Bienvenue en été. Fun Radio. 8h34, c'est maintenant l'heure de passer à l'info en plus. C'est une info qui concerne surtout ceux qui ont un animal de compagnie. Yeah. Si vous avez déjà perdu votre petit animal préféré. Ou que vous avez essayé de l'abandonner mais qu'il est revenu. Bon, c'est mal, nickel. En tout cas, il existe un nouveau système, c'est le Pet Tracker. C'est donc un système high-tech, dernier né des médaillons pour chiens. Ce système utilise les données GPS afin de permettre aux maîtres de toujours connaître la position de leur animal préféré. Afin d'être certain qu'ils ne reviennent pas à la maison. Sinon voilà, ça marche aussi avec votre mec hein, si vous voulez. Ça c'est pas mal. Bah ouais tiens c'est ça, vrai. C'est beaucoup mieux, tu lui mets en tant que montre ou un petit collier. Tiens mon chéri, un petit collier. Tu t'enlèves la puce du collier sur le truc du chat ou du chien là. Tu lui mets sur un petit collier, tu subtilises le truc là et hop là, tu sais très bien où est-ce qu'il se trouve. Sinon il y a l'iPhone qui marche aussi pour ce cas-là bien précis. C'est pas mal non plus. Bon, dans un instant, le petit déj service et avant ça on écoute le son de David Guetta, Tayo Cruz maintenant. C'est Little Bad Girl sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. On est là tous les matins sur Fun Radio, 8h38 pour être précis. Dans un instant, on aura le son de LMFAO avec Natalia Kills. Ce sera Champagne Showers. Et puis là, c'est parti maintenant. Nous allons jouer au Petit Déj Express. Pour jouer avec nous au Petit Déj Express, qui est là ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Comment tu t'appelles ? Mehdi. Mehdi, très bien. Mehdi, t'as quel âge ? 14 ans. 14 ans, très bien. Écoute, qu'est-ce que tu fais de beau à 8h38 ce matin ? J'écoute. Oui, bah c'est bien aussi, finalement, hein, c'est une bonne raison d'écouter, de se lever, c'est d'écouter Fun. Très très bon choix. Bon, alors attention, petit déj service, le concept est relativement simple, je le répète quand même pour ceux qui débarquent. Bon. Il a déjà tout voilà, cassé. Voilà, Toff n'a pas encore commencé que tout est tombé, mais c'est pas grave. Hein. Pardon, donc, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Ça donne un bon indice à Mehdi sur combien de bouteilles il va rester sur son plateau. Mais déjà. Je pense que pour que ce soit un petit peu plus simple quand même, il faudrait éventuellement penser à prendre un plateau en dur plutôt qu'un plateau en osier. Parce que moi je trouve que c'est ça qui fait le concept du jeu. Ouais, mais enfin bon. Bon bref, il y a combien d'objets sur le 10 aujourd'hui. Il y a 10 objets sur le plateau. Toff va donc devoir faire le tour du studio en courant avec bien évidemment les célèbres croche-pieds de Julie. Combien d'objets va-t-il rester quand il aura fait le tour du studio et qu'il sera revenu au point de départ? Ah, ça tombe déjà, Mehdi. Non, bah... À ta place, je dirais pas grand-chose. Ça tombe déjà, quoi. Mehdi, je serais toi, je dirais zéro. Mais ce n'est qu'un conseil comme ça au passage, hein, sachant que là, ça fait deux fois qu'il essaie de lever le plateau, deux fois qu'il se casse la tronche. Donc bon, après... voilà, je vais y arriver, Mehdi, je vais y arriver. C'est un conseil d'ami. Hein. Il y a 10 objets sur le plateau. Il y a des bouteilles, un verre, il y a des couverts, bref, peu importe. C'est bon, je suis prêt. Okay. Voilà. Tu dis combien? 10. Combien d'objets vont rester sur le plateau, hein? Ah. 3. Bon, t'as pas suivi mes conseils, tant pis pour toi. Allez, on y va, c'est parti, Tom va commencer à courir. 3, 2, 1, c'est parti. Allez hop, et voilà. Il reste 0 objet sur le plateau. J'ai dit que quand la bouteille était tombée, même si elle est sur le plateau, le contenu est donc officiellement tombé aussi. Résultat des courses, c'est perdu. Tu vois, je t'avais dit de dire 0. Tu m'as pas écouté, Mehdi. Ouais. Eh ben voilà, ouais. Eh ben, bien fait pour toi. tant pis pour toi. Il faut nous écouter, Mehdi. Exactement, ouais. Bon, ben c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux quand même, hein, d'accord? Ouais. Bon, allez, à bientôt. Hein. Salut. Santé. Ouais. Okay. Oui, Mehdi, tu voulais dire un truc? Ouais, tu peux faire passer Rachida de DJ Kevda. Tu veux Rachida de DJ Kevda du soir? Ouais, j'ai un petit boule, attends. Celui-ci, c'est pour toutes les Rachida. DJ Nabil Kefta, vous retrouvez le soir, bien évidemment, à partir de 20h dans la libre antenne avec Vince et l'abbé. Bon, bah, salut à toi, Mehdi. Et puis nous, on revient dans un petit instant avec l'infotrafic. Et puis avec. Ça me perturbe de parler avec ça. Ça fait un peu mal, hein. C'est horrible. C'est grave avec ça. Ah, ouais, c'est clair, ouais. On revient dans un instant avec la ligne anti-relou sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Et on essaye en tout cas, 8h45, bon réveil tout le monde et puis bon courage si vous êtes sur la route. Là, il se passe quoi justement sur les routes? Il y a un véhicule qui est en panne sur le 17 Gand en direction de Courtrai à hauteur de Deerlux en direction de la France. Et c'est la bande de droite qui est obstruée au kilomètre 18.6. Très bien, si vous êtes témoin de quelque chose sur la route, n'hésitez pas à faire tourner l'info 3044. Et puis nous, bien évidemment, on transmettra à tous les auditeurs de Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Ben oui, faites passer le numéro de téléphone à tout le monde, bien évidemment. Comme ça, nous, on fait péter les messages tous les matins. La ligne anti-relou, le concept est relativement simple. 0-473-86-00-13, ça c'est le numéro de la ligne anti-relou. Et c'est un numéro à donner sans interruption. N'hésitez pas d'ailleurs à tous les relous de la Terre, tous ceux qui sont là derrière vos basques, là, tous les soirs, à chaque fois que vous sortez en voie. Dis donc, donne-moi ton numéro, là. Hein, on pourrait se rappeler là, en plus t'as l'air mignonne et tout, là t'as l'air un peu chaude, hein, on pourrait se rappeler, hein. Ça peut être pas mal. Voilà, donc à la place de donner votre numéro et que le mec après vous casse la tête, bah donnez notre numéro qu'on met à votre disposition et puis nous on sera un plaisir évidemment de diffuser les messages à l'antenne. Là, et on se fait plaisir. Et on se fait plaisir également. Allez, on y va maintenant avec le premier alcoolo du matin, c'est la ligne anti-relou, on écoute ça tout de suite. Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais, tu m'avais promis, tu allais me rappeler, hein, tu me rappelles pas. Étonnant. Allez, bon, moi, je t'attends, on avait passé une soirée super. Oui, ça a l'air. Hein. En plus, tu m'avais demandé de plus boire, j'ai plus bu, d'ailleurs, je bois plus. Non, non. Je ne bois plus. J'ai arrêté, je bois plus. Ouais. Je me suis juré, tant que je ne te reverrai pas... C'est bien ça, je m'en fous. Rappelle-moi, hein. T'as mon numéro. Je pense à refermer la bouteille. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir son numéro maintenant, on l'appelle, tu vas voir qu'il est bourrin, ce mec, c'est sûr. Bon, ligne anti-relou, deuxième message. Oui, allô, ici, c'est moi. Oui. Puis, je sais pas, tu me dis, t'attends, là, je t'attends, et que dalle, quoi. Bizarre. Du coup, je l'ai, quoi. Ah Après tout, c'est quoi, si vraiment tu peux pas attendre, c'est quoi, on va te faire foutre, ouais. Très grande classe. Le mec en 10 secondes, en 15 secondes, le message fait 15 secondes, il a ouais, dis-moi, tu m'as demandé de t'attendre, bah, écoute, je t'attends. Oh, tu sais quoi, hein, tu en fous. Le mec, il doit avoir un le problème. Le relou est excessif. Ah ouais, le mec, il est complètement barré. Hein. Allez, dernier message de la ligne anti-relou pour ce matin, on écoute. Martine, tu m'as donné rendez-vous à la gare, je suis là. En plus, tu m'as demandé de me mettre à poil. Je suis à poil devant la gare, mais je suis en érection et j'ai peur que le truc arrive parce que c'est quand même un quart d'heure que je suis là tout, complètement à poil. Là, c'est moi qui me regarde, puis j'ai ton. Dépêche-toi d'arriver, hein, parce que c'est pas ce que tu voulais pour que je sois à poil devant la gare. Tantôt. J'aime bien le j'ai l'air con. Oui, oui, bah forcément. Il y a, hein, y a ça, des c'est... chances, oui. Oui, oui, oui. C'est évident, oui. Voilà, alors, la ligne anti-relou, c'est 0473-86-0013. Faites passer le message. Surtout, n'hésitez pas à le faire passer, justement, ce message pour la ligne anti-relou. Et puis, avant d'enchaîner avec LMFAO, avec Natalia Kills, la question qui colle, la dernière de ce matin. On est prêt, attention. Enfin, vous êtes prêts en l'occurrence. On est dans les starting blocks. À quelle scène improbable a assisté un employé new-yorkais depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage. Julie C, elle est contente, et à chaque fois elle sourit comme ça qu'elle a l'air. Moi je connais la réponse. Je pense que ça aurait pu faire plaisir à Toff. J'aimerais bien que ça m'arrive. Ouais. C'est un bel indice. Voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a des cadeaux pour vous. 30-44 pour les inscriptions, c'est 50 centimes le message, ou alors sur Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. À quelle scène improbable a assisté un employé new-yorkais depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage? Bonne chance, on donne la réponse dans 10 minutes. MIKL à la radio. Fun Radio. L'excellent son de l'MFAO à l'instant avec Natalia Kills, Champagne Shower sur Fun Radio. Et bon, alors petit rappel de la petite question qui colle là. Question qui colle, à quelle scène improbable a assisté un employé new-yorkais depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage? Pour info, ça pourrait faire plaisir à Toff, et vous connaissez son penchant très prononcé pour la sexualité. Choses. Voilà. On peut pas, le dire, on mais peut pas le dire. Du tout. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 30-44, allez-y. Je rappelle donc à quelle scène improbable a assisté un employé new-yorkais depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage. Réponse au 30-44 ou sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et ce matin, Toff, justement, cherche l'amour, mais plus chez les filles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour elle. Hein. Non, c'est fini. Elles m'ont fait trop de mal. Oui, c'est terminé. Moi, j'arrête avec les filles. Ou c'est peut-être toi qui les as tellement prises pour des connes, en fait, qu'il n'y a plus une seule fille qui veut sortir avec toi. Ah non, aucun rapport, c'est moi qui veux plus que cette pétasse. Mais oui, c'est maintenant ça. J'ai découvert l'amour, le vrai, l'amour des chèvres. Oui. Bon, bah va falloir qu'on pense à une ligne anti-relou pour les chèvres maintenant. Bah attends, mais rien à voir, on va aller à Rizé là, et c'est tellement pas connu que ces biquettes ne connaîtront que l'amour avec moi. Ouais. Bah écoute, on va y aller. Que moi. On avait essayé tout à l'heure. On avait essayé tout à l'heure à Torny, on a été à Namur également, ça s'est pas super bien passé, on va voir si à Rizé ça va mieux. C'est parti, on y va, on appelle. Allez hop là. Et juste après, c'est Jazz on the Rule. Allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle. Oui. J'ai vu que vous vendiez des chèvres. Oui. Oui, voilà. Et en fait, j'aurais voulu savoir si c'était possible de vous prendre une chèvre, mais seulement pour une heure ou deux. Pour une heure ou deux? Oui. Voilà. Non, enfin voilà, je vous explique. Vous savez, j'étais un petit peu déçu des femmes. Voilà, je suis beaucoup rejeté, même par les femmes. Et je me disais que peut-être je pourrais vivre une histoire d'amour avec une chèvre. Et donc, c'est pour ça. Moi, je crois que c'est mieux un bouc. Ah oui, on peut faire plus de choses avec un bouc, vous pensez? Oh. Chacun son choix. Ah, ben c'est peut-être le mieux, ce serait que je vienne chez vous et que vous me présentiez un petit peu et que je puisse faire connaissance. Attention, c'est cher. Hein. Ah, c'est combien? Il travaille pas pour rien, la bête. Hein. Ah oui, je comprends, mais bon. Et puis, il faut voir s'il va satisfaire de l'autre bête que je vais présenter. Quoi. Vos tarifs, ça se situe à peu près à combien? À peu près 500 euros. Ah oui, quand même, oui, c'est, ah ça oui. fait... Ah oui, c'est des bêtes de luxe, hein. Ah oui, c'est de la call girl, quoi. Ah ouais. Enfin, c'est de la call book. Pour ce prix-là, j'ai la totale, quand même. Oh là, il va te faire la totale, c'est certain. Bah écoutez, je réfléchis, je vais voir pour les 500 euros, parce que c'est, bon, voilà, c'est quand même un budget, mais si vous me dites qu'il fait la totale, je vais y penser. Bon, bah écoutez, je vous rappelle tout à l'heure. Allez. Au revoir. Au revoir. Il avait l'air plutôt ouvert, hein. Voilà, tu vois. Je pense qu'il se foutait un peu de toi, mais il avait l'air un peu ouvert. Non, tu vois, un bouc, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est peut-être ça qu'il me faut, c'est un bouc. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça, va savoir. J'avais dit que t'avais une tête de bouc, toi. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, Jason Derulo maintenant, Don't Wanna Go Home. On revient dans un instant avec la réponse. Oui, je viens de le dire, Jason. Avec la réponse à la question qui colle. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio, Don't Wanna Go Home, ne bougez pas, il y a les infos qui vont arriver dans un instant et la réponse à la question qui colle, la question qui colle, attention, elle va débarquer dans maintenant, hein. C'est la question qui colle maintenant, ça paraît bon pour tout le monde. Ouais, allez, c'est parti. Question qui colle avec qui est là pour la réponse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles ? Christophe. Salut Christophe, t'as la réponse à la question. Déjà t'as quel âge et t'appelles d'où, hein, quand même, un minimum. J'ai 33 ans, j'habite à Verviers. T'habites à Verviers, très bien. Ça se passe à Verviers le niveau du temps, tout ça là ? Bon, le soleil arrive, ça va. Soleil arrive ? Bah profites-en bien, parce qu'il va pas rester longtemps aujourd'hui apparemment. Hein. Si on se fie à ce que dit Julie, bien évidemment. Bah évidemment. Bah écoute, moi j'ai dit un temps couvert, c'est ce qui se passe au-dessus de nos têtes pour l'instant, pour en tout cas l'instant. À Bruxelles. Mais j'ai dit qu'il allait faire chaud, hein, jusqu'à 28 degrés. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors la réponse à la question qui colle, donc à quelle scène improbable a assisté un employé new-yorkais depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage ? Tournage de film porno. Eh oui, effectivement, tournage de film porno, tout à fait. Ouais. Il travaillait dans son bureau en fait, qui était au numéro 800 de la 3ème avenue à New York. Et donc un consultant a remarqué par la fenêtre une femme blonde vêtue de porte-jartel et de bas dans l'appartement d'en face en fait. Hein. Et donc elle était filmée par une équipe de tournage qui a ensuite adopté des poses un peu provocantes. Hein. Un petit peu à l'intérieur de l'appartement, tantôt sur le bizarre, balcon. Tout ça, quand même, hein. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Franchement, Toff, il aurait fait. Il aurait joué le rôle. Bonjour, je suis consultant. Puis-je faire une consultation ? Excusez-moi, j'étais dans le bureau d'en face, j'ai vu ce que vous faisiez, ça ne va pas du tout. Oui, c'est ça, je viens vous corriger les filles, c'est mal ce que vous faites. Bon, bah bravo à toi en tout cas, ça te permet de repartir avec des cadeaux, je te renvoie chez au standard tout simplement, ok ? Ok, merci. Je t'en prie, salut à toi, à bientôt. Ouais, bonne journée. Et ciao, et toi aussi. Et dans 20 secondes, ce seront les infos. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Si je peux vous donner un conseil, ne jouez pas, de toute façon, c'est pour moi. Hein, pas la peine de vous. Non, mais c'est vrai. Tu vois, ouais, c'est quand même. On sait très bien que c'est pas vous qui gagnerez, puisque c'est moi qui gagnerai. Ah oui, donc, mais tu dis ça en fait à peu près tous les jours, mais tu ne gagnes jamais rien. C'est donc faux, c'est faux. C'est allez, ça. 9h02. Vous avez dit qu'elle était gris. 9h02. Les infos avec Julie. Salut à tous. Les systèmes PC Banking ont été piratés. Un logiciel malveillant sévit depuis une dizaine de jours sur les PC Banking liés aux grandes banques belges. Plusieurs clients auraient vu leurs comptes vidés à 90%. L'intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC Banking concernerait les quatre grandes banques belges, mais seule ING a confirmé qu'elle était au courant du problème. Et les clients auraient vu s'afficher une fenêtre pop-up inhabituelle leur demandant de confirmer un virement et auraient vu peu après leur compte se vider de 90% de l'argent qu'ils détenaient. Le formateur Elio Di Rupo continue ses entretiens et accélère le tempo. Il devait rencontrer le président du CDNV Wouter Beek lundi, mais il a avancé le rendez-vous à demain matin. Elio Di Rupo a déclaré qu'il se donnait jusqu'au 10 septembre pour dire si oui ou non il est possible de former un gouvernement rapidement. Et si on n'a toujours pas de gouvernement, apparemment on a quand même plus d'argent. Privé de gouvernement, le citoyen belge n'a pas eu à subir de cure d'austérité imposée par ses dirigeants politiques. Du coup, la croissance économique se porte bien et le pays résiste mieux à la crise que ses voisins directs. Dans les pays voisins, les mesures d'austérité ont détérioré l'activité économique à court terme. Mais par contre, les effets à plus long terme chez nous pourraient être négatifs. Plus la Belgique attendra pour prendre des mesures d'économie, plus les mesures seront radicales. De plus en plus de Belges sont placés sur écoute. Le relevé des conversations téléphoniques pour confondre des suspects est de plus en plus courant. En 2010, plus de 5000 personnes ont été placées sur écoute, soit environ 450 par mois. En bref, la rentrée scolaire coûte en moyenne 785 € par enfant en frais d'inscription et en matériel scolaire. C'est donc une légère augmentation de 10 € par rapport à l'an dernier. Google a été condamné à payer une amende de 150 000 €. L'entreprise a récupéré en Belgique des données sur des réseaux internet sans fil via ses voitures Google Street View. Et puis le fisc rembourse plus rapidement les avertissements d'extraits de rôle. Si tout se déroule normalement, 1 000 000 de paiements seront envoyés ce mois-ci, ce qui est plus rapide que ces dernières années. Enfin en sport, en barrage, aller de la Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-1 face au Maccabi Haïfa en Israël. Oui, mais ça va encore, hein, comme je disais, c'est les c'était match retour. Il y a le match retour, ils ont mis un but à l'extérieur. Il faisait 45 degrés en plus en Israël, donc c'était quand même bien tendu. Donc voilà, pour Gang, c'est pas complètement perdu quoi. Bon, dans un instant, l'info en plus, mais avant ça, la météo. Il va faire chaud et lourd aujourd'hui, mais tout ça sous un ciel couvert et même un risque de pluie. Température jusqu'à 28 degrés. Demain, timide retour du soleil et chute des températures de 18 à 22 degrés. Ouais. Et la bonne nouvelle aussi, j'ai eu des nouvelles de Gérard Depardieu. Apparemment, il dit « J'ai fait pipi dans une bouteille qui a débordé ». On en parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est ce que j'avais dit ce matin. Ouais. Donc il a pas fait volontairement quand même. Il a malheureusement après 1,5 litre, bon, ça a débordé. C'est dommage. Oui. Non, mais c'est dommage. L'info en plus, c'est dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. 9h05, c'est l'heure de l'info en plus. Avant qu'on vous paye vos factures dans un instant, 63-22, débutez le message par facture avec avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Pour la dernière fois aujourd'hui, on va vous appeler. 63-22, débutez par facture, c'est 1€ par message envoyé ou reçu. Alors, l'info en plus. Alors, vous pensiez qu'il fallait se montrer gentil et disponible au travail? Eh bien, pas du tout. Le Wall Street Journal a révélé les résultats d'une étude plutôt surprenante. Les salariés agréables ont des revenus inférieurs à leurs collègues qui le sont moins. Apparemment, les gentils ont plus de peine à s'affirmer dans les négociations salariales. L'écart de salaire entre les agréables et les moins agréables est quand même de l'ordre de 18% pour les hommes et 5% pour les femmes. Ça vous donne une idée du salaire mirobolant que touche Julie par mois. Excessif. Tout petit, mais tellement oui, je suis c'est agréable. C'est cela. Oh, voilà. Prochaines infos, ce sera tout à l'heure à 10h, toujours avec Julie évidemment. Et puis dans un instant, ce sera l'horoscope et on paiera vos factures comme je le disais. 63-22, débutez votre message par facture avec le montant de la facture. Et l'objet de la facture, c'est 1€ par message. Et le son de Snoop Dogg, maintenant à 9h06, avec T-Pain. C'est Boom sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, on vous réveille tous les matins sur Fun Radio à 9h09 avec dans un instant l'horoscope de Doudou, bien entendu. Et puis avec les factures maintenant. On va vous les rembourser les factures, allez c'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Ça se passe tous les matins, effectivement, à 7h10, 8h10 et 9h10. Il faut s'inscrire au 63-22, débuter le message par facture en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture pour 1€ par message. Et on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite pour lui rembourser sa facture cash. Enfin cash, on fera un virement, on va pas se faire chier non plus. Allez. Oui, allô ? Les billets à la radio. Ouais, c'est ça. Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Oui, Raphaël. Salut Raphaël, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Ah, c'est génial, ça. Je t'appelle pour ta facture. Tu veux qu'on te rembourse quoi ? 60€ pour un PV. Pour un PV ? Encore un PV ? Hier aussi, c'était un PV. Qu'est-ce que t'as fait encore pour 60€ ? 82 km/h au lieu de 70 à 1h du matin. Eh ben bravo. Et quoi, 1h du matin, c'est une excuse ? Du coup, c'est... Ah ouais, mais enfin, c'était la nuit. Hein. Ah, c'était la nuit, on peut rouler moins vite. Hein. Bah ouais, bah bien sûr. Ouais. Bon, bah bravo. C'est pas bien hein, de rembourser les factures de PV. Là, on va arrêter ça, d'ailleurs. Ouais, bah non, c'est bien je peux changer, je peux demander le revenu cadastral ou l'assurance. Hein. Ouais, ouais, bon, on va payer le PV. Voilà, voilà. Tout compte fait. Oui, c'est ça. Après réflexion, c'est bien. Bon, on va le payer le PV, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer ça rapidos. D'accord. Je t'en prie, salut à toi, passe une bonne journée. T'étais dans quelle ville au fait ? Moi aussi. T'étais dans quelle ville ? Moi je suis de Liège, mais c'était à la mer, c'était à Coxide. Ah, en plus c'est un PV flamand, pas marrant. Ah, et en plus c'est très cher en Flandre. Ouais, bah ouais, on l'a bien vu. Bon, bah on embrasse tout le monde à Liège, salut à toi, à bientôt. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon ben voilà, on remet le couvert demain. Vous pouvez vous inscrire tout au long de la journée, bien évidemment. Il faut pas s'inscrire juste au moment pile où on appelle, évidemment. 63-22, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour demain. 63-22, débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1€ par message. Et puis, on va se faire le son de PZK maintenant avec Doc Soso. Le titre, c'est Je suis beau. Et juste après, ce sera Doudou avec l'horoscope sur Fun Radio. À l'instant sur Fun Radio avec Chouibo et c'est l'horoscope maintenant. Fun Radio. L'horoscope. Allez, c'est parti, l'horoscope maintenant avec notre ami Doudou pour la dernière fois. Hein. Hein, vous chantez pas cette fois-ci, Doudou. Hein. Ah bon ? Non, on vous entend Allô ? Mal. Oui, on vous entendait mal, excusez-moi. Voilà. Non, vous êtes sûr que vous voulez pas que je chante parce que j'étais venu vous présenter mon ami Monsieur Tombola. Ah non, non, non, pitié Doudou, c'est pas Monsieur Tombola. Ah c'est dommage, j'avais même plus ma corde à sauter. Non, non, bah demain, on fera la chorégraphie demain, voilà. Hein. Mais là, on va faire l'horoscope, c'est maman, c'est l'heure, en plus on n'est pas en avance. Les béliers. Comme vous voulez. Ah oui, bah je préfère ça. Là, j'en ai pas tout dans la vie, n'oubliez pas les contacts humains, c'est pas le bon horoscope ça, dis donc. Comment ça, c'est pas le bon horoscope? Bah non, on a mélangé mes feuilles. Bah c'est ça, bah voilà autre chose maintenant. Bah, ça va être de notre faute, ah, bah, bien sûr. Alors, où est-ce qu'il est le bon horoscope? Oh là là, je vous jure, je vous jure. Bon alors, les béliers. Mais voilà, vous vous êtes pas senti aussi bien depuis longtemps, mais veillez à ne pas dépasser vos limites. D'accord, les taureaux. Les taureaux, travaillez à votre emploi du temps et choisissez vos priorités. Les gémeaux. En ce moment, il y a des choses plus importantes que les soucis financiers. Ils ne sont pas justifiés. C'est vrai. Pensez qu'il y a toujours des plus pauvres que vous. Du coup, je sais plus, les gémeaux, c'est ça? Non, les cancers. Non, les cancers d'abord. Mais je suis perdu. Ouais, parce qu'en plus, il me manque la suite. Un point vierge, j'ai plus rien. Où est-ce qu'on est là? Les cancers. Les cancers. Vous avez parfois du mal à accepter les conseils des autres. Les lions. Une entrée d'argent conséquente pouvez-vous récompenser de votre choix du labeur. Alors allez jouer au casino. Mais ouais, faites donc ça effectivement. Mais oui. Les vierges. On pouvait mal interpréter un geste que vous avez fait de bon cœur et on vous le. Et on quoi? Tu vas y arriver Doudou. Oui. Mais oui, mais attendez, parce que moi j'ai des papiers. Ah oui, c'est la suite de mon horoscope. C'est la suite de l'horoscope, oui. Qu'est-ce que je disais? Les vierges, on va y arriver aujourd'hui quand même. On pouvait mal interpréter un geste que vous avez fait de bon cœur, mais on le regrettera, alors pensez à pardonner. Voilà, les balances. Ne craignez pas de faire des erreurs. Tout le monde peut en faire, même moi. Ah oui, surtout vous, là, aujourd'hui, on a bien vu. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, on a tout mélangé mes feuilles. C'est ça, les scorpions. Soyez aux aguets, surtout dans votre entourage. Vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie ou d'une nuit. On ne sait pas. Les sagittaires. Quelqu'un essaye de vous faire du tort, mais pas des paniques, les astres sont avec vous. Les capricornes. Question boulot, vous êtes imbattable aujourd'hui. Les Verseaux. Aujourd'hui, il se peut que vous ayez des surprises houleuses dans votre couple. Peut-être que quelqu'un vous fait du tort. Alors peut-être la rupture. Ah bon, on sait jamais. Les Poissons. Si vous avez oublié de régler une facture, vous allez avoir des problèmes aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, on pourra plus vous la payer avant demain. Mais bon, continuez les inscriptions, 63-22 si vous le souhaitez. 1€ par message, débuté par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on remettra le couvert évidemment demain. Bon Doudou, là aussi on remet le couvert demain. Mais oui, avec plaisir. Avec l'horoscope, tous les matins, 7h plus ou moins écart, 8h15, 9h15. Et puis au niveau du son maintenant, sur Fun Radio à 9h18, c'est le son de Skak Noël. C'est Loca People sur Fun Radio. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. All day, all night. Voilà le son à l'instant de Sac Noël avec Loca People. Question qui vient d'arriver, si je puis me permettre, question bête. Coucou Mickaël et toute l'équipe, est-ce qu'on peut passer un jour vous faire un coucou avec des croissants? Bah avec plaisir. Bah, écoute, non, si c'est pas enfin. Mais bien entendu, merci, je vous kiffe. Et bien, nous te kiffons également d'avance. Je kiffe surtout les petits pains au chocolat. Ouais, voilà, moi c'est plutôt croissant en coucou beurre. Ah non, pain au chocolat. Ou alors poule de Berlin. Ah oui, ah non, pas le matin, quelle horreur. Si, je suis un truc. Ah là là là là là. Bien. Un 8, un bon 8 avec une boule. C'est quand même vachement plus gras, une boule de Berlin. Mais oui, le truc que tu digères pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est bon. Ou une couque à la crème. Mais couque à la crème, mais sans chocolat, que du sucre dessus. Hein, parce que chocolat, j'aime pas. Mais voilà, écoute, c'est pas qu'on passe notre commande. Hein, mais bon, pas du comme tout. Ça, tu sais, pour demain matin, on est là à partir de 6h. 33 minutes Télémac, 11 ans de Bruxelles. Bon, le matin, il faut sonner. Hein, donc n'hésite pas à bien pousser, parce que parfois, on n'entend pas tout de suite. Donc on te laissera pas dehors. T'inquiète pas. En tout cas, les pains au chocolat rentreront à l'intérieur, ça ouais, c'est sûr. Le mot code croissant hein, pour rentrer. Donc n'hésite pas, comme ça tu sais. Bon, la semaine dernière, des employés de Ryanair se sont plaints sous couvert d'anonymat des conditions de travail dans la compagnie aérienne. Hein, vous en avez certainement entendu parler. Du coup, il y a un syndicat qui a décidé de porter l'affaire en justice. Mais comme on est toujours premier sur l'info, Julie. Évidemment. Ce matin, on reçoit le directeur du personnel de Ryanair, Sir Maxime Mypocket. Oh yeah, thanks. Comme tu peux voir, moi je fais le témoignage avec le visage découvert. Oui, bah enfin, il manquerait plus que ça, c'est normal, c'est vous le patron là. Mais bon, peut-être que vous voulez faire une déclaration. Yes, je voulais dire que je comprends pas les employés qui se plaignent. Ah bon? Nous sommes une compagnie familiale qui les traite comme ses propres enfants. Oui, enfin bon, vous leur demandez quand même de payer leur uniforme. Hein. Yes, c'est vrai, mais s'ils n'avaient pas d'uniforme, ils viendraient travailler tout nus. Donc bah, nous, ils ont besoin d'acheter du vêtement, sauf qu'on demande d'acheter tous le même, c'est tout. Oui, bon, bah alors admettons, mais alors pour les vacances que vous annulez là. les vacances. Ouais. Mais ils sont toujours en vacances. Comment ça? Un jour ils sont à Barcelone, l'autre à Oslo, le lendemain à London. Franchement, je comprends pas. Vous adoriez pas visiter toutes ces villes? Non, bah, enfin visiter, c'est quand même vite dit là. Quand on doit rester enfermé dans l'aéroport, c'est moyen la visite quand même. Yes, well, c'est un bâtiment comme une autre. Une aéroport, c'est comme Big Ben ou votre Atomium. L'Atomium, oui. Oui, c'est une monument d'art qui mérite qu'on s'y attarde. Je trouve qu'on visite pas assez les aéroports. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte quand même que ce que vous dites est complètement idiot et qu'en plus c'est horrible quand même. Les mecs sont obligés d'être dans l'aéroport. Horrible? Mais of course not. Je peux pas laisser dire ça. Hein? Quelle entreprise peut vous permettre de travailler comme ça, de partir du jour au lendemain, travailler dans un autre pays sans prévenir? Non mais attendez, vous pouvez pas faire ça là, vous devez prévenir. Prévenir? Mais pourquoi faire? Mais enfin, c'est une chance de découvrir d'autres gens. Ça fait former le caractère, c'est que du bon pour toi. Ah ouais? Bon, écoutez. Mais oui. Je comprends vraiment pas vos criticisms vis-à-vis de Ryanair, parce que, regarde, quand tu es secrétaire, tu fais quoi? Bah, je sais pas, tu réponds au téléphone, t'écris des courriers, je sais pas moi. Bah oui, mais non, tu fais le café gratuit pour une voix pauvre que c'est ton patron. Alors que quand tu es dans Ryanair, tu fais un café que c'est deux fois plus dégueulasse, et ce même voix pauvre, il te paye et il te dit merci. Donc quand je dis que c'est que du bon de travailler chez Ryanair... Ouais, effectivement, bah vous avez raison, hein. C'est une compagnie modèle où tout le monde devrait être heureux de travailler en somme. Exactly, nous sommes le dream of the work, le rêve du travail. Oui, bon, vous en ajoutez pas trop non plus. Bon, bah, merci d'être venu, Sir Maxi My Pocket. Hein. Ah, c'est toujours avec plaisir. Si je peux encore faire peut-être la promotion de quelques voyages, c'est toujours avec plaisir que je reviens. Oui, non, ça ira. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Allô? Merde, c'est vrai. Le son de DJ Abdel à l'instant avec Sopra, c'était C'est Ma Life sur Fun Radio. 9h29, c'est terminé pour ce matin. Dans un instant, le self avec Monsieur Moon qui est déjà là en pleine forme. Hein. Salut! Salut! Ben oui! Hyper réveillé, monsieur. Mais bien c'est sûr. Impressionnant. Mais évidemment. Oui, toujours réveillé. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé des titres déjà sur les SMS au 3044 en débutant par self. Dont celui de Nabil Kefta. Hein. Oui, aussi. Et dont celui-là. Rebecca avec Black Friday. En fait, ça sonne même bien. Ah, j'adore. Oh, c'est Mickaël ça... en fait qui envoie des SMS pour demander ce son-là. Mais j'écoute ça non-stop dans la voiture. C'est Julie qui m'a fait découvrir ça. C'est énorme. J'ai plein de Nirvana, plein de Metallica. Ah non, mais c'est de la merde ça. Pour le côté de Rebecca. Enfin, voyons. En particulier. C'est vrai que, ouais, Rebecca, c'est quand même mieux. Mais c'est génial. Non. Et puis vraiment, pour ceux qui ont, qui vraiment sont au top du goût, il y a ça. Hein. Celui-ci, c'est pour tout. Ça, c'est franchement numéro 1 en ce moment. Ah ouais. Numéro 1 des demandes dans le self. Ça se vend bien. Je suis sûr que sur le sort, ça se vend. Dans la merde. Voilà, DJ Nabil Kefta, donc vous retrouvez tous les soirs avec Vince dans la libre antenne à partir de 20h avec l'Arbé également. Et puis nous on revient demain à partir de 6h comme chaque matin avec les factures qu'on vous remboursera également au 63-22 en débutant le message par facture. C'est 1€ par message envoyé reçu, vous laissez le montant de la facture et l'objet de la facture. Donc dans un instant c'est Moon, il y aura Jasmine juste après, il y aura Greg pour la tribu de l'été à partir de 17h et puis vous retrouverez bien évidemment la libre antenne comme je le disais dès 20h. La bonne journée Julie, la bonne journée Tof. Oui. Pourquoi cette voix débile, Tof? Je sais pas. Mais de toute façon, Julie a suivi. Ah, Julie a suivi. Si Tof fait quelque chose, je fais d'office la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que c'est ça. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.